Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 97e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et on continue le tour d'horizon des jeux sur PSVR 2. Call of the Mountain. Non, ça s'est fait déjà. On l'a déjà fait. No Man's Sky. Commence pas. On a un truc. On a réfléchi le truc. On a fait une liste des jeux. Donc bonjour tout le monde. Pour m'accompagner, du coup, Majo. Bah voilà. Salut Majo. Bonsoir. Je pense que là, c'est une des intros les plus foutraques qu'on ait pu faire depuis le début de l'émission. Confirme. Je valide. Non, mais tu dis Horizon, moi de suite, Call of the Mountain. Le tour d'Horizon, Call of the Mountain, les gougoutes, les longs coups et tout ça. Comment vas-tu, Majo? Eh bien, écoute, nickel. Au top. J'allais dire comme d'hab, un peu mieux qu'il y a 15 jours, parce que j'étais un peu sur une phase, on va dire, descendante. Dépressive. Ouais, c'est ça. Avec mes attentes, qu'on appelle ça inatteignables. Démesurées. On a dû couper ta corde. Exactement, vous m'avez sauvé. J'ai fait tomber le tabouret, mais vous êtes venu couper, donc c'est bien. Est-ce que ça serait pas tout simplement le PSVR 2 qui t'aurait sauvé? Peut-être. Oh, c'est possible. Non, j'ai vu des choses qui m'ont fait plaisir et qui m'ont fait comprendre que, ben, encore une fois, on a des devs qui sont des grosses feignasses. Voilà. Ça, par contre, oui. C'est ça, ça, on va vraiment pouvoir y revenir pendant l'émission et nous avons l'euro. L'euro. Je suis fatigué. Je suis une monnaie. C'est con, j'ai pas de fric. Laurent, comment vas-tu, Laurent? Ah ben ça va. Ça va nickel. Semaine chargée. Pas tant que. C'est vrai qu'en info, il n'y a pas grand chose qui sort en ce moment. Par contre, il y a beaucoup de choses à dire sur les jeux. Donc, on compense tout le côté technique et tout ça par plein de jeux. À tester, à essayer. C'est ça. Tester Cactus Cowboy. Cactus Cowboy. Ouais, ah, celui-là, j'ai pas osé le faire encore. Ah ouais. Il y en a qui ont osé le faire ou pas encore? Non. Pas encore. Non. Bah en fait, c'est des bons trucs à faire avant, si tu veux. Donc c'est vraiment un point de priorité. Oui, on a vu. Hein. Fantavision, ça y est, n'est-ce pas? Exactement. C'était dans un soir de doute. Je me suis dit, il faut que je sache. Et voilà. Justement, on va continuer sur la dynamique un petit peu qu'on avait initiée il y a 2 semaines, à savoir les tests des jeux sur PSVR 2, de line-up et puis ceux qui sont sortis encore récemment. On va déballer, tout simplement, au fur et à mesure. D'ici la fin de l'année, je pense qu'on sera à jour, à peu près. C'est ça. On n'a plus l'habitude aussi. On avait un jeu tous les 6 mois, maintenant on en a 40 d'un coup. Faut comprendre que... On n'a plus le rythme. Et surtout qu'on est des joueurs un peu old school et on aime bien terminer les jeux avant de passer au prochain, quoi, histoire de pas. On n'est pas sur le Game Pass là, on aime bien terminer les jeux et puis en profiter avant de passer à un autre truc. Donc c'est vrai que on enchaîne quand même pas mal les vidéos de preview sur la chaîne YouTube. On fait attention aussi de pas les inonder non plus, qu'ils aient pas 4 notifications par jour avec que des previews, parce qu'il y en a qui aiment pas ça. Bah ouais, ça sert à rien, et puis autant picorer un petit peu de temps en temps. Ouais, on en met une par jour, ça suffit. Donc il y en a plein qui arrivent. On essaye, c'est ça. Ouais. En tout cas, il y a de quoi faire. Oui, tu essayes. Et puis, c'était quoi? C'était un jeu de mots là, c'est ça? Ouais. T'essaies de faire de l'humour. On essaye, je te dis oui, tu essayes, oui. Oh là là, magnifique. Alors ne zappez pas, ça va s'améliorer l'émission, vous inquiétez pas, je vous le promets, ou pas. VR for Player autour d'AVR. Mon humour n'est pas reconnu. Ça sera qu'après ta mort, donc le pêche-toi. Autour d'un VR, podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les applications de podcast, que vous pouvez noter, que vous pouvez partager à droite et à gauche, à vos amis, sur d'autres sites, etc. Allez-y. Pensez à noter. Pensez à noter, bien évidemment, parce qu'on a encore beaucoup trop peu de notes sur les applications de podcast. Remercie ceux qui ont pris le temps de noter, mais en tout cas, ça fait plaisir et pour le référencement, c'est très important. De même que la chaîne YouTube, pensez à vous abonner aussi, à mettre des pouces en l'air, à commenter. Même si vous n'aimez pas ce qu'on fait, du coup, ça nous fait plaisir de temps en temps de répondre. Et ça nous fait même bien marrer des fois. Encore merci pour tous ceux qui nous encouragent à continuer et qui suivent la formule et qui apprécient, bah, ça nous fait plaisir également aussi de se retrouver toutes les deux semaines à part Majo. Et puis voilà quoi. Non, même pas de réaction, Majo, rien. Je t'ai pas entendu, il y a une coupure. Je pense que même Internet maintenant a décidé de couper le troll. Ce genre d'intervention. c'est exactement. Voilà. On va commencer dans le gros du sujet, donc autour d'un VR. Une petite parenthèse pour juste annoncer quand même que PlayStation France ne nous ont pas oubliés. Donc on a reçu une jolie bouboule bleue avec un PSVR dedans. L'as reçu ça et toi aussi ou pas? Ah non, parce qu'il dit on, alors du coup. Ils ont pas dû trouver l'adresse. J'ai reçu une belle bouboule bleue avec un PSVR 2 dedans, donc merci à PlayStation France. Ouais, ça fait une grosse bouboule. Mais est-ce que tu vas nous la montrer, ta boule, ou pas? Pas maintenant, parce que j'allais la chercher. Elle est... Si vous voulez voir la boule de Laurent, il faut venir sur la version vidéo du pod. Voilà. Même pas, il est même pas prêt avec lui, toi. Elle est toute lisse et bien brillante, c'est une boule rétrécine voilà. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a du rétrécine dedans. Une belle bouboule. Donc maintenant, t'es un vendu de PlayStation, en gros. Voilà, je suis un fanboy, carrément, ouais. Mais bon, je suis content quand même, parce que depuis le temps qu'on parle du PSVR, et que du PSVR, et on n'a jamais débordé sur d'autres casques, et on est resté que PSVR, j'étais content de recevoir ça, quoi. Un petit peu le Rift S, quand même. Un peu le Rift S, quoi. Oui, non, mais je veux dire, globalement, le site ne parle que du PSVR depuis 5 ans et demi, quoi. C'est vrai. Et oui. Et d'ailleurs, pour pas te faire mentir, moi, je vais commencer par parler de Resident Evil 4 sur PC. Et du fait... En prévision de la version PSVR 2, c'est pour ça. Je vais me prendre un recommandé, qu'ils vont me rendre la bouboule, tu vois. C'est ça. Un petit bordereau de tracking de renvoi. oui, donc Resident Evil 4, il y a la démo qui est sortie quoi, une semaine à peu près, il me semble, après une espèce d'événement ou cette semaine même. Capcom, ouais. La démo Chainsaw Mode ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, qui est dispo du coup sur PC, sur Xbox et sur PS5. A priori, la version PS5 c'est pas la meilleure parce que la résolution est un peu plus basse que sur toutes les autres plateformes. Voilà, faut savoir. Est-ce qu'elle est dispo sur Texas Instruments? Elle n'est pas dispo sur Texas Instruments, malheureusement, je crois, ni sur Switch. Ni sur Switch. Donc voilà. Et du coup, voilà, j'ai eu l'occasion de l'essayer sur PC. Je voulais le prendre sur PS5, mais en fait, vu que la PS5, je vous raconte ma vie, hein, mais vu que la PS5 n'était pas dispo parce qu'il y avait mes gamins qui étaient dessus. Pour regarder Scooby-Doo, et ben du coup je l'ai pris sur PC. Et faut demander à Laurent qu'il appelle PS France là, ils ont peut-être une autre bouboule. L'excuse avec de merde pour s'acheter un jeu PC. T'as vu de quoi il est capable? Je n'ai pas acheté un jeu PC, maintenant. Sachant qu'on n'est pas sur Nintendo, on n'est pas chez Nintendo. Les démos elles sont gratos. Donc du coup je l'ai récupéré sur PC. Et je me suis dit tiens je vais regarder chez Predog et je vais voir s'il a pas un truc de prévu. Au niveau des modes, Predog, je le rappelle, hein, c'est celui qui avait fait les modes de Resident 2, 3, 7 et 8 sur PC. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu un petit RE4 dans la page des téléchargements. Et donc du coup, bah, je me suis dit, tiens, allez, je vais essayer ça. Et puis ça fonctionne super bien avec la démo de Resident Evil 4. Alors c'est pour le moment un early access, on va dire, ce mode. C'est toujours le même principe, hein, 4 petits fichiers de 3 mégas qu'on copie, on colle directement dans le dossier d'installation du jeu, enfin de la démo. On fout le casque et ça fonctionne et c'est super et tu redécouvres toujours la façon de jouer en TPS sur des Resident Evil. Et ça marche bien et du coup en fait ça m'a permis de faire justement une petite vidéo découverte de cette démo-là, tout en réalité virtuelle, tout en TPS. Il n'y a pas encore la version FPS avec les motion controls qui sont disponibles. Je pense que ça arrivera quelques jours après la sortie du jeu officiel. On ne sait pas exactement à quoi ça va correspondre. Je crois qu'on n'a pas d'infos encore hein, sur le mode VR, PSVR 2. Aucune. Rien. Moi, je m'interroge quand même. Moi, je m'interroge quand même sur la portabilité complète du jeu, en sachant, on en avait parlé, que Meta avait l'exclu de Resident Evil 4 en VR sur le Quest 2. On l'aura pas, la portabilité complète. Ça dépend dans le sens où ça fait quand même aussi un petit moment maintenant qu'il est sorti RE4 sur Quest 2. Donc est-ce que le temps que ce mode arrive, et puis il y a aussi ils ont changé la mention ou le terme VR mode en fait pour se rapprocher du terme qu'ils utilisent pour Resident Evil 8. Donc pourquoi pas, c'est pas impossible. Après est-ce que ça sera à la mode FPS, à la vue FPS, en tout cas, quand ils l'ont annoncé, ils n'ont pas utilisé le même langage que pour RE8. Ils ont changé en suivant. C'est dans. Ouais, dans mais c'est quand tu changes, tu. Les coms qui sont arrivés après. Ah, ils veulent faire une hype autour de ça, mais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah, peut-être qu'ils avaient prévu de faire. Peut-être qu'ils ont prévu, de faire le jeu full VR depuis le départ et qui se sont aperçus que d'inclure le terme VR mode en fait c'était mal reçu par la communauté, que du coup ils ont changé le terme pour se rapprocher plus de ce qu'ils ont prévu à la base, ou alors pas du tout et comme on dit ça sera il faut qu'ils marquent sous leur jeu full VR, voilà les mots magiques. Bah en tout cas c'est ce qu'on attend parce que ou alors il faut qu'ils sortent le mode VR en même temps que le jeu normal quoi. Moi j'y crois pas des masses. Se poser de questions. J'y crois pas des masses. Ouais, moi j'ai malheureusement. Au full game. Il y aura la sortie en même temps que le jeu, la sortie du jeu. Ça c'est sûr. Un jeu de pêche ou un jeu de golf dans Resident Evil 4 peut-être. Oh ça ferait chier. Ouais, franchement ça serait se faire beaucoup de mauvaises pubs, surtout que tout le monde s'accorde à dire que RE8 est encore très très bon sur le PSVR 2, donc ça serait un peu dommage de se priver de vente pour ce jeu-là, parce que maintenant que les gens savent qu'il y a un mode VR, je pense qu'il y en a un paquet. Autant RE8, c'était de la supposition, de gens s'étaient gardés de le faire, là je pense qu'ils vont quand même pas se priver de ça. Maintenant que Zuckerberg vient de virer la moitié de sa boîte, peut-être qu'il va donner les droits plus facilement, remarque. Ouais. Non mais je te dis, si ça se trouve l'exclu elle était que pour une certaine durée ou alors que pour cette version, parce que l'exclu Quest 2 c'est la version old school, hein, c'est la version originale, c'est pas le remake, donc ça sera techniquement normalement beaucoup moins bon. C'est un jeu qui a 18 ans, Resident Evil 4. Ah ouais, 18 ans. Mon âge, putain. Ouais. c'est pas crédible, l'eau. Mais je me faisais cette réflexion là et c'est vrai que du coup la version Quest c'était la version qui a 18 ans quoi techniquement, parce que là le jeu il a vraiment fait un bond en avant énorme quoi, enfin ça peut rien avoir, même je pense qu'au niveau de l'architecture du jeu c'était revu et corrigé. Je commence à douter un petit peu des capacités de la PS5 pour afficher des choses aussi belles en réalité virtuelle telle qu'elle, vu certains jeux qu'on a eu dernièrement. Mais quoi qu'il en soit, tout ce que je... Hein ? Oui, certainement. Oui. RE8, il est bien, non ? Oui, RE8, non, c'est vrai. RE8, il est très très bien. Mais après, RE4, il sera bien. On va revenir à un jeu là, qui nous a un petit peu mis une douche froide dernièrement. No Man's Sky, non. Non, un autre. Songing the Smoke, non. Non, un autre. Un truc Back to the Future, Back to the Past. Back to the Future. Back to the Future of the Past. Ouais. Retour en 2015, c'est le cas de le dire. Hein. En 2016. Qu'est-ce que je disais ? Parce que là, tu m'as un petit peu fait perdre le fil. Ouais, en gros. Je ne sais pas. Je t'avoue que là, on en est à la sortie de ce Resident Evil 4, qui est pas mon Resident Evil préféré, mais qui reste quand même assez intéressant à parcourir et à redécouvrir en version remake. Mais là, je me retrouve avec le choix entre un mode VR non officiel, mais qui fonctionne très très bien et que moi j'ai surkiffé sur 4 autres opus sur PC, de pouvoir y jouer en mode TPS et puis en prendre plein la gueule. Et le redécouvrir comme ça, ça me ferait vraiment grave plaisir de le redécouvrir comme ça. Ou alors d'attendre, hypothétiquement, le mode VR sur PSVR 2 en n'étant pas sûr du tout de ce qui va être proposé, que ce soit une expérience ou le jeu complet ou une révision du jeu en mode first person shooter. J'en sais rien, je sais pas si je vais être suffisamment patient justement pour pas craquer directement sur la version PC. C'est ce que j'allais dire, t'as quand même le temps d'attendre du coup le jour où ça sortira. Il y a quand même de quoi faire à côté en attendant ce RE4. Ouais, c'est vrai, mais Tu sais, sachant que sur PC, en plus, tu peux les avoir quand même à pas trop cher, les jeux, dans des versions qui sont quand même ultra jolies, et que le mode, VR sur PC gratos, il est là, il sera prêt, il m'attendra, il m'appellera au fur et à mesure, il me dira « Hey, essaye, joue avec moi, joue !» Est-ce que je vais pouvoir ne pas craquer ? Ça, j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Profites-en pendant qu'il est dispo. Bah, il sera dispo. De toute façon, c'est bon, je l'ai récupéré. Je m'en bats les couilles. Hein. Je veux dire, maintenant, le mode. S'il y a des mises à jour régulières. Je m'en bats les couilles. Ouais, je m'en bats les couilles, frère. tu le récupères une fois et puis après, c'est bon. Hein. Tu t'en fais ce que tu veux, en fait. Hein. C'est ça la beauté du PC. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir shipper mes fichiers sur mon ordinateur. Hein. Donc voilà. Une petite mise à jour. Bon, ils le feront pas, je pense pas. Capcom, en tout cas, s'ils devaient vraiment le faire déjà depuis le temps que traînent justement les modes VR, même pour Resident Evil 8 et 7, s'ils avaient vraiment voulu faire les chacals, ils l'auraient déjà fait. S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Ouais. Ouais. Ça rappelle la Nintendo DS avec les mises à jour de jeux qui fréquemment faisaient péter les cartes. Donc. Ok. Et ça sort quand, rappelle-moi. Enfin, pas la version VR, mais la version standard du remake de RE4, elle sort quand ? C'est ce mois-ci, non ? C'est au mois de mars, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. 23 mars ? Voilà. Il me semble. Je le sais, je l'ai sur le bout de la langue. Ouais, c'est ça. Je l'ai sur le bout de la langue, je vais te le dire tout de suite. Tout de suite. 24 mars. J'étais pas loin. Ah, j'étais pas loin. Putain. Oh, t'étais bien. Donc 24 mars, bon, on est quasi sûr que le mode VR sera pas en même temps que le jeu. C'était annoncé pour plus tard, donc. C'est ça. Donc pas trop d'espoir là-dessus, mais bonne pioche quand on connaît la qualité de RE8 malgré ses défauts. J'avoue que ça peut être pas mal. Voilà. Donc vous pouvez aller voir la preview que j'ai faite sur Vrak si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne sur. Si vous voulez voir la femme invisible. Sur PC. La femme invisible. Il y a des petits bugs. Hein. Elle est disponible sur la page d'accueil du site aussi. Resident Evil 4, le VR mode. Il y a des petits bugs, effectivement, en fait, entre l'œil gauche et l'œil droit. T'as une cinématique avec l'opératrice de Léon dans une cinématique. Avec l'œil droit, tu vois juste des lunettes et des cheveux. Avec l'œil gauche, tu vois tout. C'est très bizarre. Et du coup, vu que la capture se fait sur l'œil droit, bah on a l'impression d'avoir la femme invisible sur la vidéo. Bon, ça rend mieux hein, du coup sous le casque, hein, forcément. Des petits bugs en tout cas qui vont être corrigés, je pense, à la sortie du jeu. Donc allez jeter un coup d'œil si ça vous dit. Et ben, on va commencer du coup pur et dur dans le PSVR 2 avec Demeo que t'as pu tester, Majo. Ouais. Eh bien, on en avait parlé. On avait parlé de la version que j'avais essayée donc sur Pico, sur Pico 4. C'est qui Pico? C'est très en forme Laurent ce soir. C'est un des personnages de F-Zero. Voilà la licence. Oh putain, je m'en rappelle plus. D'accord. Pour ceux qui s'en rappellent. Bref. Il y avait un Pico dans F-Zero. Putain, je m'en rappelle plus. Ouais. Pico 4, F-Zero ou Starwing, je me rappelle plus. Bref, Demeo, donc jeu développé par Resolution Game. J'en ai fait donc la présentation avec l'ami Rames et l'ami Herbie. Rames, pourquoi? Parce que c'est mon initiateur à Demeo et puis c'est surtout une bible vivante de ce jeu, c'est incroyable. Et puis Herbie, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas joué avec. Et puis, que dire de ce jeu si ce n'est que il est super, voilà. Enfin, c'est un jeu de plateau. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est développé par Resolution Game. C'est un jeu de plateau. Donc vous avez des pions et des cartes à jouer. C'est un jeu qui demande beaucoup de concentration et de comment dirais-je de calme. C'est pas un jeu où ça fait pam pam boum boum, ou alors il faut courir, ou faut être super rapide, pas du tout, c'est un jeu au tour par tour. Donc c'est relativement posé comme ambiance, et puis surtout en fait le but c'est aussi de pouvoir prendre, on va dire, les pions que tu as sur le plateau pour pouvoir les admirer, parce qu'ils ont quand même un design, si tu veux, qui est plutôt travaillé. Et ils ont refait d'ailleurs pas mal de pions pour cette version PSVR2. Enfin, à l'occasion de la sortie de la version PSVR2, ils ont refait pas mal de design de certains pions. Donc du coup, ben voilà, on est sur un plateau, plusieurs points d'intérêt donc sur la carte. Les points d'intérêt, ça va représenter des activités, en gros, soit des coffres, soit fontaine de jouvence, ou alors les deux activités principales, à savoir la clé et la porte de sortie. Chaque niveau en fait se divise en trois plateaux, donc premier plateau, deuxième plateau et troisième plateau avec le boss. Et le but du jeu, donc, c'est de récupérer dans un premier temps la clé, de trouver la porte pour passer au plateau suivant. Mais bien entendu, il y a des ennemis partout. Alors ça se passe un peu, on va dire, dans le noir. Il y a des zones sombres où en fait tu n'as le visu que sur la partie en fait que physiquement ton personnage peut voir. Donc t'as un brouillard de guerre, quoi. Alors c'est pas un brouillard en fait, c'est que le reste de la partie est sombre en fait, c'est légèrement terni si tu veux. Et là où tu vois en fait, tu as une partie qui est plus éclairée. C'est ce qu'on appelle un brouillard de guerre. Ah ok, d'accord. Alors excuse-moi, j'avais pas le terme technique. Et du coup en fait, ben, les ennemis vont apparaître, on va dire, au dernier moment, à partir du moment où tu as un champ de vision sur la zone ben, que tu dans laquelle tu te trouves, ou si jamais tu es sur les hauteurs, parce que tu as aussi une partie comment dirais-je, qu'on appelle ça verticale, où tu peux ben, justement jouer sur la hauteur, et plus tu es en hauteur, du coup, plus tu vas avoir un champ de vision large. Et donc bah, le but, ça va être de se débarrasser d'un maximum d'ennemis. Pour ça, tu as donc des personnages différents. Alors il y a 4 ou 5 classes, je crois, je me rappelle plus de tout. T'as un orc, un archer, un espèce de mage, un bourrin, donc le guerrier, le voleur, et j'en oublie, mais je me rappelle plus. T'as pas un rogue avec l'espèce de hyène là? Si, ben c'est ça, ben, c'est ce que j'appelais le mage, mais non, en plus, oui, je dis des bêtises, puisqu'il y a un mage, et oui, il y a ça avec la lanterne, effectivement, où tu peux invoquer, un espèce de j'allais dire d'élémentaire, mais pas du tout, un espèce de familier, en fait, un animal avec toi, qui lui aussi évoluera, en fait, et qui a des stats assez, assez sympas à partir du moment où tu arrives quand même à le faire évoluer et le garder suffisamment longtemps en vie sur le plateau. Donc du coup, bah, chaque personnage en fait va avoir des attributs différents, et donc attaque à distance, attaque corps à corps, de l'armure, attaquer, on va dire, de manière furtive, faire plus de points de dégâts, etc. Et couplé à tout ça, en fait, tu vas avoir donc des cartes à jouer, donc qui apparaissent en fait à partir du moment où tu fais une rotation avec ta main. En fait, tu mets ta paume de la main vers le haut et tu vas avoir toutes tes cartes, ton deck qui va s'afficher. C'est hyper fluide, hyper intuitif, et du coup, bah, par le biais de ces cartes, eh bien, tu vas lancer des attaques ou alors faire des sorts de soins ou des sorts de soutien. En sachant que tu as 2 points d'action en fait, donc par tour. Donc, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te permettre de faire 2 actions, donc 2 attaques ou 2 soutiens par tour, en fonction de ce que te consomment tes cartes, puisque tu as des cartes qui te consomment des points d'action et d'autres non. Voilà, donc c'est relativement long. C'est vraiment un jeu où tu peux pas jouer 10 minutes, parce que si tu te lances dans une partie, un plateau te prendra au moins une bonne heure. Ah ouais, quand même. Et faire 3 plateaux d'un coup, c'est assez long. Il y a 5 niveaux différents disponibles, donc avec 3 plateaux chacun, sur une thématique chacun. Donc il y a le désert, ou alors ça va être... plus des environnements sableux, tu as les égouts, ou là tu vas voir les égouts, l'eau. Tu as un environnement où tu ne verras rien en fait, où tu seras obligé d'avoir une torche en fait pour t'éclairer. Je parlais de ce fameux champ de vision. Et puis tu as le premier, dont je ne me rappelle plus, c'est la verdure, c'est la végétation, c'est des ruines verdoyantes quoi. C'est ça. Voilà, donc que dire si ce n'est que c'est vraiment génial, franchement. Je me plais à jouer à ce jeu à chaque fois que je mets le casque. C'est vraiment une excellente surprise. C'est pas un jeu, effectivement. Enfin, c'est un jeu qui est difficile à rendre intéressant. C'est ce que je disais d'ailleurs dans ma preview. c'est un jeu qui est calme et posé, donc faut pas trop se poser de, enfin, faut pas chercher le rythme à outrance parce que c'est pas du tout l'esprit de DMO, c'est pas du tout ce qui est recherché. Mmh. C'est vraiment un jeu où voilà, tu prends la réflexion, t'analyses le plan. C'est un peu ça, c'est un jeu de plateau en fait. C'est un jeu de plateau, mais dans l'environnement avec que les bons côtés du jeu de plateau, puisque t'as pas besoin de te casser les pieds à ranger quand t'as fini ta partie. Voilà. Ah, juste une petite question, est-ce que c'est un jeu multi? J'imagine que t'as pas de campagne solo dedans. Ou alors peut-être un tuto. Il y a une petite histoire dont je ne me rappelle absolument pas, mais enfin bon, les forces du mal, les forces du bien. Ouais. Le classique, c'est relativement anecdotique. C'est un jeu qui se joue donc soit en solo, soit en multi. Donc comme je disais, je l'ai fait avec Rames et Herbie. Donc on a joué en multi à 3, ça se joue jusqu'à 4, avec 1 à 2 personnages chacun. Et quand tu joues tu peux jouer en solo, donc ça sera exactement les mêmes campagnes, les mêmes plateaux, faits de la même manière, sauf que tu pourras prendre de 1 à 4 personnages si tu joues en solo. Voilà. D'accord. Concernant le tuto, alors oui, il y en a un. Mais il est vraiment très succinct et en fait, tout s'apprend par expérience. Donc c'est-à-dire qu'il faut essayer des trucs. C'est vraiment la découverte pour tout, que ce soit pour les attaques ennemies, que ce soit pour ce que toi tu peux faire avec telle ou telle carte. Je vais reprendre un petit bout de ce qu'on a fait dans la preview. Il y a des os en fait sur le plateau qu'on fait. Alors je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est des os de bois, pardon, qui te permettent en fait quand tu les lances sur les ennemis qui sont des chiens de ce niveau-là. Alors un certain type de chien, parce que tu en as plusieurs. Et en fait, ça va te permettre de les contrôler. C'est-à-dire qu'ils vont devenir amis, on va dire, durant la partie, et tu vas les garder jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais tu as aussi, si jamais tu n'as pas ces chiens donc d'invoquer sur le plateau, tu as aussi la possibilité de les invoquer en jetant l'os dans l'eau. Tu as des flaques d'eau, si tu veux, sur le plateau. Et en fait, en jetant un de ces os dans une flaque d'eau, ben, ça va t'invoquer un animal. Mais ça... Pour le savoir, en fait, bah, il faut uniquement essayer. Il n'y a pas vraiment de... Ou alors, bon, bah, aller se renseigner sur Internet, bien entendu, puisqu'on trouve tout. Mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui t'est amené directement de la part des devs dans le jeu via un tuto, quoi. Voilà. Okay. Donc, c'est 100%, 95% découverte, puisqu'après, les bases du jeu sont quand même expliquées via un petit tuto rapide dès le lancement du jeu. Voilà. Et une autre question, c'est quand t'as pas d'amis, est-ce que tu peux quand même trouver des gens intéressants avec qui jouer ou tu vas tomber sur Lolo, ou t'as des curly, c'est ça que tu voulais dire? ou tu t'es obligé de jouer avec des Américains ou des gens qui t'insultent en allemand? Alors, il y a pas mal d'anglais, tu peux rejoindre des parties assez facilement. Il y a aussi des Français, moi j'ai trouvé... j'ai joué qu'avec des gens que je connaissais, pardon. Mais je saurais pas vraiment répondre à cette question, mais c'est pas vraiment je pense pas que ça soit très compliqué de jouer avec des gens qui parlent pas ta langue puisque bah de toute façon tu peux faire les actions que tu veux. Après ça va être pour dire jouer à la parlante, si tu veux... Ouais, enfin si tu veux vraiment donner un ordre spécifique, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Mais tu as, tu as un espèce de fil qui te permet d'indiquer la zone où tu veux aller, ou alors de tracer un espèce de trait. Donc ça c'est via la gâchette L2 ou R2 avec en fonction de ta main, si c'est la gauche ou la droite. Et en fait ça te permet de donner une indication, par exemple je voudrais aller là, ou il faudrait qu'on prenne ce chemin-là. Tu peux tracer voilà un truc. Assez lisible facilement, donc ça te permet aussi de communiquer comme ça. Mais je saurais pas dire, mais bon, je pense qu'il y a un peu de tout. Après tu peux organiser aussi des parties privées, hein, sans être ennuyé par des gens qui rejoignent de manière inopinée. Ah oui, effet important et que je trouve plutôt sympa, c'est que si tu lances une partie, n'importe qui peut rejoindre n'importe quand. C'est-à-dire que même si t'es à deux attaques de finir le boss du niveau, ben quelqu'un peut te rejoindre pour t'aider à ce moment-là de la partie. Bon, ça ne sert à rien du coup, mais voilà, il y a pas de limite. T'es pas obligé d'attendre en fait que la partie soit terminée pour rejoindre. Étant donné que les parties sont particulièrement longues, j'avoue que ça sera un peu ennuyeux si tu dis ouais, on se fait une partie, ah ben attends, j'arrive dans un quart d'heure. Bon, ben toi tu décides de commencer, ben le mec il va te rejoindre un quart d'heure après, il prend ta partie en cours et terminé quoi. Je sais qu'il y a il y a pas mal de fans justement encore, surtout dans les anciens, de jeux de plateau dans ce genre-là, Ça fait justement, il y a une remarque sur sur Discord et sur la vidéo du YouTube en fait d'un gars qui parle de HeroQuest. Oui, exactement. Et HeroQuest, alors, c'est complètement ça. Hein. Je connais pas, mais vraisemblablement, ça a l'air d'être similaire et très pompé sur le jeu de plateau HeroQuest. Ouais. Ah, c'est ça, c'est le daron de Demeo, hein, vraiment, parce que c'est exactement ça. En plus, dans HeroQuest, tu peux vraiment moduler ta carte, faire des cartes complètement différentes. T'as un MJ, oui, justement, qui crée les parties. Et vraiment, dans le principe, ça a l'air d'être exactement la même chose, quoi. Enfin, c'est vrai que j'en ai pas parlé et... les niveaux sont procéduraux. Donc c'est jamais les plateaux, pardon, sont procéduraux. Ouais. Les thématiques sont les mêmes, mais par contre les plateaux seront jamais forcément les mêmes. Ouais. Ça c'est bien. Donc du coup, durée de vie, si t'accroches en tout cas à ce type de jeu, les points d'intérêt vont changer d'endroit, les couloirs changeront, etc., etc. Et request. Ok, très bien. Il est à combien, voilà. Il est à combien du coup? Il était à 31€ en préco et là il est repassé prix fort à 39,99€. D'accord. Et multi-cross plateforme. Hein. Il est cross plateforme, ouais, tout à fait. Et ça c'est bien. Plateforme PC et Quest. Et ça c'est très bien. Et comme ça, voilà, quel que soit le casque que vous avez, que ce soit un casque autonome ou un casque sur PC ou un PSVR 2, et ben vous pouvez toujours jouer avec les copains et ça c'est cool. C'est une bonne chose. Et pour parler, c'est vrai que j'ai pas parlé technique du coup. Pour parler de la technique, il est très bien. Il est très propre, très net. Il y a pas de problème de flou. J'en avais évoqué. J'ai un petit souci de tracking en fonction de où est la lumière, mais bon, ça va plus, je pense, dépendre. Enfin, j'arrive pas à déterminer en fait si ça dépend du jeu ou du casque. Je pense que c'est le casque, mais ça me fait. Le truc, c'est que j'ai pas ce problème sur tous les jeux, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu, mais disons que je perds le tracking à un moment en fait et j'ai le message d'erreur qui me dit replacez-vous ou passez de lumière ou on n'arrive pas à traquer la zone de jeu. Donc ça c'est un des petits problèmes qui est assez perturbant. Et oui, j'ai un dédoublement de l'image aussi où il m'arrive parfois d'avoir en fait le jeu plat. Voilà. Ah d'accord. Bon, ouais, mais ça c'est ça va. C'est pas chab ça. Oui, mais c'est pour ça que je dis, je sais pas si ça vient du jeu ou si ça vient du casque. D'accord. Et dernière petite chose, le jeu se joue aussi en plat. Voilà. Mais connaissant le gameplay, ça doit être un peu chiant. Voilà. T'as même pas essayé en plat? Non, en fait ça se joue. Je crois qu'il y est en plat sur PC aussi, mais je suis pas sûr. Mais à la souris, c'est beaucoup plus crédible en fait que de le jouer à la manette. Parce que ouais, si tu dois te déplacer case par case ou alors avec le joystick qui rame un peu pour déplacer le... Enfin, j'avoue que à la souris je dis pourquoi pas, à la manette ça doit être un peu moins fun. Mais manque bon, de réactivité, ouais. Le but reste de le jouer en VR puisque c'est là où il prend tout son potentiel et il a surtout été pensé pour ça à la base. Donc voilà, la technique très bien, franchement c'est propre pour les plateaux. Après pour l'environnement global qu'il y a autour, bon c'est un peu cheapos. Mais je vais dire que c'est pas vraiment. C'est là pour être là, quoi. C'est pas la partie la plus importante du jeu, mais c'est pas non plus la plus belle partie du jeu, ni les plus beaux effets qu'on ait vus, quoi. Ouais. Ok. Bon, bah, voilà. Merci Majo pour excellente pioche. Je vous le conseille fortement. Comme ça, vous pourrez jouer avec Majo si vous décidez de le prendre. Je pense que sur Discord, il y a des parties qui doivent pouvoir s'organiser. Exactement, il y a un petit salon dédié pour ça, comme pour beaucoup d'autres jeux d'ailleurs. Ouais. Donc n'hésitez pas à venir effectivement sur le Discord si vous voulez gérer des parties, trouver des amis et puis échanger là-dessus. Il y aura pas de souci, ça sera avec plaisir. Tu gardes la parole, Majo, pour oui, la preview d'Onogoro. De The Tales of Onogoro. Alors on va en parler très rapidement. Que Elroku a fait la preview, mais comme il est pas là parce que soi-disant il bosse. Honoré. Voilà, exactement. Bah, c'est à toi. Donc The Tales of Onogoro. On en avait parlé, visual novel un peu dans l'esprit Dyschronia. Ouais, c'est ça. Et Aldeus, donc tu avais fait Lolo. C'est développé par Amata KK. Je vous vois venir. Et non deux. Pas Amata Kaka. Et non pas Amata Kaka. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient fait The Last Labyrinth. N'était pas un jeu formidable, hein, mais qui était un petit jeu, un petit puzzle game sympatoche quand même, mine de rien. Ouais, mais tu dirigeais en fait uniquement avec la tête ou le regard, je crois. Il y avait un truc comme ça, enfin, c'était un peu particulier, ça marchait pas très très bien aussi techniquement. Donc voilà, c'est El Rocco qui s'y est collé. Alors, la réelle, superbe intro, superbe musique. Qui fait un peu penser à Ghost in the Shell ou plus récemment Demon Slayer, pour ceux qui connaissent, avec ce chant grégorien à la japonaise, on va dire, avec les chœurs derrière. Belle intro, très quali aussi en termes techniques. Et puis quand t'arrives dans le jeu, c'est plus pareil. Quoi. C'est plus léger. Il y a eu un petit downgrade entre l'intro et le jeu. Donc, comme disait Rocco, en fait, tout ce qui est objet, en fait, à proximité, on va dire, qui servent le gameplay, sont plutôt propres. Après, tout ce qui est environnement, un peu plus, on va dire, inutile, sera moins détaillé. Il y a une petite histoire, donc je vous la fais brève. Hein. Haru, donc qui est le personnage féminin, donc de l'intro. Et petit problème technique, du coup elle a perdu ses pouvoirs, elle a perdu des membres, et en fait elle invoque un dieu, donc pour venir l'aider, et mais comme elle peut pas se déplacer, elle a enchaîné un espèce de caillou, on va dire, de gros pavé, exactement, et il faudra la déplacer, donc ça sera un peu le boulet de ce jeu, et donc va falloir la sauver. Donc c'est un FPS avec une mécanique assez classique. Où il y a des ennemis, voilà, va falloir attraper des objets sur la zone pour pouvoir attaquer les ennemis qui font face, tout en défendant Haru. Donc c'est un petit jeu qui a l'air moyen, je dirais moyen plus. Ça blablate beaucoup, c'est très très animé manga. Un petit jeu à 35 balles quand même. Ouais, alors ça c'est la partie toujours la plus fun avec les jeux typés japonais, mais bon, ça blablate beaucoup. À voir si l'histoire colle et est suffisamment intéressante pour tenir en haleine, puisque bon, ça reste inspiré de manga et d'anime, donc pour ceux qui aiment ce genre de trucs, c'est toujours sympa de se retrouver dans un environnement comme ça. Donc moi je dis pourquoi pas, j'avoue que ça m'intéresse un peu, ça n'a pas l'air d'être le jeu de l'année non plus, faut pas se leurrer, mais je suis curieux. Et puis techniquement, bon, on n'est pas à la hauteur non plus de ce qu'on est en droit d'attendre avec le PSVR2 et la PS5, mais bon, il est là, il est propre, il n'y a pas de furiture, on va dire, ça fait pas de chichi là-dessus. Durée de vie de 5 heures à peu près. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui peut, je pense, être largement suffisant vu le gameplay, qui a l'air de s'étoffer un peu en avançant, puisque, Haru va récupérer des pouvoirs au fur et à mesure de l'aventure, donc il y a des phases de gameplay légèrement différentes, je pense, qui vont arriver. Donc, voilà, ça reste sans prise de tête, c'est dépaysant, surtout si vous en avez marre des jeux à l'environnement plus classique. Apparemment, il y avait une histoire avec des grillons dedans. Je crois que Rocco, ça les a un petit peu saoulés. Alors oui. Alors qui est pas vraiment une légende d'ailleurs au Japon, parce que les grillons ont tendance à être un petit peu. Mais voilà. Apparemment, là-bas. C'est très réaliste de ce côté-là. C'est-à-dire que le grillon grillonne fort. Voilà, exactement. Et là, pour le coup, ils se sont bien inspirés. Un bruit de mouette. Du vrai grillon. Voilà. C'est le point faible. C'est le point faible du jeu. Trop de grillons. Trop de grillons. D'accord. Non, mais après, moi, franchement, il n'a pas l'air pire que d'autres trucs qu'on a pu voir sur des jeux tirés d'animés sur PSVR. Donc, disons que, comme disait El Rocco, il y a plus de gameplay que dans Aldeus. Quoi. Voilà. Mm-hmm. Aldeus, il fallait marteler croix pour passer les dialogues, il fallait marteler croix pour valider l'action scénarisée. Ça a l'air de beaucoup parler, là aussi, quand même. C'est un peu le danger, ça, en VR. J'ai l'impression que les phases de dialogue comme ça, de dialogue entre les personnages, peuvent paraître beaucoup plus longs en VR qu'en plat. C'est l'absence de mise en scène. Et il y a ça aussi. Et du coup, ça plombe complètement. Et c'est vrai que quand t'as le casque sur la tête, t'aimes bien voir un petit peu d'action, quelque chose de réaliste, quoi. Et dès que ça devient un petit peu plan-plan, tu te le reprends un peu en pleine gueule. Donc, c'est un peu dangereux. C'est l'avantage des jeux comme Squadron ou Hitman qui mixaient justement le VR pour le gameplay et partie 2D, on va dire, écran standard plat pour l'histoire et la narration. Ah non. Ce qui permet d'avoir sur Squadron, bah, sur Squadron les cinématiques, elles étaient en VR. Hein. Les dialogues, ils étaient en VR. Les dialogues, mais ouais. Pas les cinématiques. Ah non, les cinématiques, elles étaient en plat. Je me souviens même plus des cinématiques en fait dans Squadron. Je me souviens surtout en fait d'avoir les personnages dans les salles de briefing en train de te parler. Voilà, ça oui, mais justement, c'était les parties qui n'étaient pas forcément ultra intéressantes, mais les cinématiques et la mise en scène étaient en plat. D'accord. Et je dis comme tout comme Hitman, toute la partie mise en scène était en plat. Ouais, les briefings sont en plat, effectivement. Ça passe, je trouve, beaucoup mieux pour le coup, même si tu as cette sortie d'immersion entre guillemets. Mais bon, vu le temps que peut durer une mission dans Hitman ou dans Squadron. Ouais. T'as largement le temps de t'y remettre du coup après la cinématique. Voilà, c'est deux écoles différentes, mais c'est vrai que moi je suis plutôt partisan effectivement de la mise en scène un en peu place, plus étoffée. Voilà, surtout pour ce genre de jeu où t'as beaucoup de dialogue. Il y avait Stardust Odyssey où il y avait des transitions en plat comme ça en cinématique, mais qui étaient encapsulées dans un environnement vert. En vert. Je sais pas si vous vous souvenez, où ça faisait comme un écran, mais du coup, il y avait des trucs nébuleux autour, et du coup, tu avais vraiment l'impression d'avoir un espèce de morceau de plasma devant toi, et ça rendait ouais, super ouais, bien. Oui, c'est vrai. Ça, c'était sous la tente, là, dans le briefing. Oui. Ça marchait pas. Voilà, bien. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà pas mal, d'ailleurs, pour Tales of Onogoro. Merci Majo, et ben je vais te laisser te reposer un petit peu. De rien. Pour cette belle preview et et ben on va passer sur du Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Je l'ai dit pour toi Laurent parce que je voulais pas te laisser galérer tout seul. La fameuse pizza. Carré. La pizza congelée. Alors y a-t-il de bons ingrédients supplémentaires sur cette pizza congelée ? Voilà, toi qui es fan de Star Wars, mais fan dans le mode fan quoi, tu vois. Qui était fan de Star Wars. Bah, qui est fan toujours des vrais épisodes qui sont canoniques, pas ceux qu'on essaie de te refourguer. Des vrais Star Wars non signés par Mickey, à part quand même l'autre qui est quand même bon, pas Squadron, mais épisode 8. Ah, j'ai Rogue One. Épisode 8 Rogue One qui était pas mal. Épisode 8. Je sais plus quoi dire. Vas-y, enchaîne. Bref, tu vas te bugger. Je vais bugger. Star Wars, oui, donc un remaster, on va appeler ça comme ça, un remaster qui nous vient du Quest, qui a été développé à la base sur Quest 2, qui est sorti il y a un bon petit paquet de temps sur le store et qui est maintenant proposé sur le store Oculus, enfin store Meta plutôt, à 25€ et qui nous arrive à 50 balles sur PSVR2. Alors les excuses sont que quand même le jeu a été un petit peu remanié dans le sens où il y a quand même quelques textures qui ont été modifiées, ça j'en suis pas convaincu. Il y a quand même des textures en plus. Ça c'est sûr, il y a des textures en plus, donc des petits bouts d'herbe par-ci par-là, des petits bouts de mousse sur les rochers, surtout les éclairages qui ont été changés. Ça c'est sûr et certain. Et puis du coup, ben on se retrouve avec un jeu qui est mi-figue mi-raisin entre un Quest 2. Je dirais que c'est plus un jeu PSVR. C'est pas le jeu Quest, il est plus beau que le jeu Quest. Il y a eu du travail, ça c'est sûr. Après quand moi perso je l'ai lancé, j'ai dit ouais, mais c'est vrai que quand tu sors d'Horizon et que tu vas là-dedans, ça te pique les yeux quand même. Et puis surtout, c'est encore des modélisations qui sont datées avec des trucs tout carrés de partout, taillés à coups de serpe, des textures qui sont pas forcément très belles. Et puis surtout moi après ce qui m'a vraiment énervé, c'est le gameplay, parce que je ne comprends pas pourquoi passer une porte avec un petit saut de marche de 10 cm, il faut de la téléportation. Ah, oui. Ça, j'ai pas compris. Pourquoi le jetpack? Et comme dans le premier, hein, Vader Immortal, même combat. Et oui, mais disons qu'on a passé une époque. Enfin, pour moi, c'est un remaster qui vient. Alors, si c'est pas péjoratif, mais si on considère que le Quest autonome, pas relié à un PC, ce serait un jeu PS3, pour moi, il y a eu un remaster PS4 qui vient de sortir sur PS5. Et pour moi, c'est pas un jeu qui a le niveau de ce que j'attendais sur PS5 graphiquement. Non. Et au niveau du gameplay non plus, parce que le jetpack où tu décides de monter, et puis au moment où tu presses le jetpack, eh ben tu te retrouves du point A au point B en un claquement de doigts. Ça aussi, ça me dérange, parce qu'il y a eu Iron Man, des jetpacks, et il y a No Man's Sky, des jeux avec des jetpacks, on en a plein. Et du coup, eh ben, on peut voler, quoi, on peut bouger. Et moi, me retrouver sur un ascenseur, passer du point A au point B en un flash, j'ai trouvé ça vieillot. Après, le design général, on va dire que ça peut fonctionner. Les fans de Star Wars vont peut-être, quoi, j'ai pas forcément l'impression d'être dans un vrai Star Wars non plus. Alors peut-être que ça va arriver après. Ouais, mais... El Rocco, bien aimé l'ambiance et les environnements là-dessus. Il y a les personnages qui reviennent. Il y a des scènes avec du sabre laser. Il y a non, sans ça, juste l'environnement, le fait de se balader dans le vaisseau, la phase. Au départ, où tu es, où tu passes à côté de la planète, enfin, où t'as la planète dans le. J'ai pas trouvé ça super beau en fait. Quand tu regardes à travers la vitre, tu parlais d'ambiance et d'immersion Star Wars. Tu vois ce personnage avec les six yeux, je sais plus comment il s'appelle là, mais le barman. Mais c'est pas des personnages mythiques, vrai. C'est pas des gros personnages mythiques de Star Wars. Les premiers personnages dans les premiers niveaux que tu vas défoncer, c'est des soldats qui sortent de Squid Game avec un qui sont pas très connus, quoi. T'as un peu l'impression d'être dans un jeu de science-fiction qui de temps en temps font un peu penser à Star Wars. Alors après, je pense que le jeu change, et après petit à petit tu vas rencontrer C-3PO, tu vas rencontrer R2-D2 et compagnie, et là tu vas te dire oui, là c'est bon, je suis dans Star Wars. Mais au début, j'avais pas l'impression d'être dans Star Wars, et puis après, même au tout début aussi, quand tu regardes à travers la vitre et que tu vois la planète, et que tu vois les containers qui sont finalement que des gros quadrilatères avec six textures posées dessus. Tu te dis ouais ça casse pas des barres non plus, quoi. C'est un vieux jeu qui a quand même plus de 2 ans. Il y avait Robinson de journée, il y avait 5 ans. Qui est sorti il y a 2 ans, donc qui a été développé au moins il y a 3 ou 4 ans, et qui fait suite à Vader Immortal, qui était leur premier jeu. Il y a quand même une belle évolution en termes de gameplay par rapport à Vader Immortal, même s'il y a encore des redondances. Et puis surtout, même le jeu est beaucoup plus étoffé, on va dire beaucoup mieux fini que ce qu'était leur premier jeu. Donc après, ça reste le portage d'un jeu qui est sorti il y a 2 ans et qui fait suite, enfin qui est en gros un deuxième jeu, quoi, grosso modo. Donc bon, fallait pas non plus attendre quelque chose d'extraordinaire, quoi. Pour moi celui-là il avait sa place sur PSVR, pas de souci, quoi. Il serait passé sur PSVR il y a 2 ans, ça m'aurait pas dérangé. On peut noter, on va refaire le débat, c'est pas le même jeu que la version Quest. Il y a eu une amélioration. Non, il y a eu des améliorations. Ils ont coupé un peu de merguez et de petits morceaux de poivron sur la pizza surgelée pour nous la faire passer pour une pizza de restaurant. Non, mais bon, voilà. C'est important de le signaler. Encore, j'insiste là-dessus, il y a quand même une amélioration. Venant du studio, il y a quand même une amélioration dans le jeu. Bon, après, ils ont payé le prix fort. Hein. Ah, puis 50 balles, ça aussi, ça pique. Parce que, ça, franchement, 50 balles. Vader Immortal était à 30 ou 40 balles, je crois, pour une heure et demie de jeu. Hein. Les joueurs PSVR 2 sont riches, manifestement. Ils ont pu claquer quand même 600 balles dans un casque, 550 balles dans une PS5. Donc, ils sont pas à 50€ presque, tu vois. Non, c'est vrai. Ils sont pleins aux as, c'est bien connu. Ouais, deuxième degré, pardon, j'ai pas compris. Bah oui, quand même. Ah, j'ai cru que vous étiez sérieux, l'espace d'instant, j'étais là-haut, là. Mais est-ce que vous avez vu aussi cette espèce de tournevis que t'as tout le long du jeu, qui est multifonction, où c'est que tu peux avoir un petit peu d'électricité, tu peux avoir un fer à souder et tu peux avoir un tournevis. Et à chaque caisse, il faut dévisser ou il faut dessouder. Mais moi, ça, au bout de la quatrième caisse, j'en ai déjà marre. C'est assez redondant. Ça fait partie un petit peu des petits mini-jeux pour récupérer des armes, des mines, des drones supplémentaires ou des sous supplémentaires pendant l'aventure. C'est vrai que très très rapidement, au bout de la cinquième, sixième caisse, c'est chiant. Déjà, j'en pouvais plus. Ouais. C'est le principe de la quête secondaire dans un jeu traditionnel. Alors, il y a des quêtes secondaires dedans, parce que là, moi, j'ai un petit peu avancé aussi sur ce jeu-là, et franchement, je pense que j'ai un avis un peu plus positif que Lolo dessus. Graphiquement, je le trouve assez propre. Alors, techniquement, c'est vrai qu'il, voilà, c'est un jeu mobile, donc, enfin, mobile, VR mobile. Donc, voilà, il casse pas trois pattes à un canard. Seulement, voilà, il y a des effets de lumière qui sont assez, qui fonctionnent quand même pas mal. Une loupiote, allez hop. Et c'est bon. Les couleurs qui fonctionnent pas mal, Laurent. Je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi parler. Hein. Vous n'avez pas le monopole de la mauvaise foi, monsieur. Et je ne suis pas d'accord. Voilà, globalement, en fait, je le trouve assez sympa à parcourir. Alors, c'est vrai que il y a le côté jetpack qui peut paraître un petit peu old school. Je pense que c'est vraiment surtout en fait pour éviter le motion sickness aux gens un peu sensibles et qui découvrent la VR. C'est quelque chose qui nous fait rager. C'est quelque chose qui nous fait rager et qui me fait rager moi aussi, et surtout qui t'apporte une espèce de dissonance au niveau du gameplay. Quand toi t'es habitué à la VR, c'est-à-dire que moi, quand peut-être tu dois aller dans le dock, dans le dock du vaisseau au tout début, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois avant de comprendre comment faire pour remonter pareil à l'étage, parce qu'en fait tu dois mettre un coup de jetpack, donc arriver à un niveau supérieur et te téléporter une fois que t'es en l'air. Toi, et pour moi, en fait, j'essaie de trouver un bouton pour avancer. Je regardais le stick, je me disais putain, j'arrive pas à avancer en étant en l'air. Je me sentais buggé, handicapé à ce moment-là. Ouais, mais pareil, jusqu'à ce que je comprenne que voilà, en fait, faut utiliser le TP pour pouvoir avancer. C'est contre-intuitif, en tout cas, quand t'as l'habitude de la réalité virtuelle, mais une fois que tu le sais, bon bah voilà, tu te dis que c'est un jeu avec un gameplay un petit peu old school. Et puis après t'es plus bloqué, mais en tout cas ça m'est arrivé, je me suis vraiment posé la question. Après ça reste du shooter aventure, on va dire, où tu découvres, enfin c'est de l'exploration, hein, grosso merdo, avec quelques petites énigmes de temps en temps. Là où j'en suis, en tout cas, j'aime bien le côté exploration de vieux temples et les décors qui sont quand même assez changeants et qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Star Wars. Des vieux jeux comme KOTOR. J'en suis pas là, moi. Des vieux jeux comme KOTOR. J'allais dire, sauf Jedi Fallen Order, qui est quand même. Jedi Fallen Order, mais moi, je suis old school, hein, donc voilà, ça me fait plus penser justement à des trucs un petit peu à KOTOR où le jeu t'amenait dans des endroits que t'avais pas vraiment l'habitude de voir dans Star Wars, et ce que j'aimais bien, et ce que je retrouve un petit peu dans ce jeu-là. Toi, t'as des vieux temples Jedi que tu vas visiter, ou de vieilles civilisations. Je trouve ça plutôt sympa. T'as quand même certains décors qui m'ont mis un peu, qui m'ont étonné par leur efficacité. Notamment un espèce de village sur une mission secondaire, parce que donc t'as des missions secondaires mais avec des arcs narratifs à part de la mission principale. Et t'arrives dans un vieux village comme ça avec plein de pirates un petit peu de partout que tu dois dézinguer. De toute façon, ça change pas trop. Ça, en général, c'est toujours le même principe, hein. T'avances, tu tires sur les ennemis, t'ouvres des caisses et puis voilà. Mais je sais pas, il y avait l'effet de lumière, les falaises autour, le village qui était donc de nuit avec la lune en fait qui se reflétait et qui faisait des effets de lumière et qui donnait une ambiance vraiment particulière avec des tentures qui volaient au loin. Le tout, vu que c'est un jeu mobile très très net sur le PSVR 2, et ça, j'ai l'impression que les jeunettes, on va les compter sur le doigt d'une main, quoi. Et donc, du coup, ça fait plaisir quand on voit un ça rend vraiment l'ensemble vraiment super efficace et super joli. Et j'étais assez étonné, justement, d'être étonné par Tales from the Galaxy's Edge. Donc, moi, pour moi, c'est un jeu que j'aime bien parcourir, en tout cas que j'aime bien avancer, très old school, très arcade. Quand tu sors d'une zone et que tu reviens dans la même zone, et ben tous les ennemis que t'as dézingués 5 minutes avant, ils sont tous revenus. Ça se laisse parcourir, en tout cas moi j'aime bien. C'est le côté un petit peu fan de Star Wars aussi qui parle, je suis quand même bon public pour ça, et j'aime bien. Alors, je vais aussi dire la voix de El Rocco, qui a quand même fait le test sur Star Wars, qui a carrément adoré le jeu. Lui, c'est Il a adoré ce qu'il a fait. Parce qu'il a bien précisé, j'espère que le gameplay va se renouveler un petit peu, parce que sinon ça sera redondant. J'ai l'impression que ça va pas se renouveler, hein. T'as quelques petites énigmes de temps en temps après quand t'avances, mais je l'ai pas terminé non plus, hein, j'ai mes réserves, mais c'est vrai qu'au niveau gameplay, si les ennemis changent à un moment, T'as des nouvelles t'as armes qui viennent. Trooper, t'as plus les personnages de Squid Game. Donc, ouais, c'est ça. Mais faire les personnages de Squid Game, c'est vrai qu'ils te demandent vraiment d'où ils sortent, ceux-là. Mais ils y sont, hein, je les ai vus, mais dans la nouvelle trilogie, il me semble qu'on les voit, non, ces mecs-là. Oh non, je sais pas. Non, je pense. Franchement, je pense pas. Je pense pas. Et t'as des armes aussi qui changent avec un feeling différent. Toi, là où j'en suis, t'as des armes qui se chargent. C'est-à-dire que tu es obligé de laisser appuyer sur la gâchette pour charger le tir. Et puis tu tires, et puis comme ça l'ennemi il se décale juste un tout petit peu, et puis comme ça tu le rates, et c'est de la merde. Mais en tout cas, ça amène. ça amène quelque chose d'un petit peu différent. Donc voilà, je pense que ça va évoluer au fur et à mesure. C'est pas un jeu qui révolutionne quoi que ce soit. C'est un bon petit jeu classique arcade de tir old school, bas du fond. Un bon jeu PSVR sur PSVR 2. Avec une skin Star Wars. Voilà. Et avec une physique de l'eau à l'image de Moss 2. Une physique de l'eau à l'image de Moss 2, mais une physique des corps en ragdoll quand tu les shootes, qui est un peu plus poussée que certains autres jeux. Ok, donc bonne pioche quoi finalement. Intéressant aussi. Pas parfait, donc, mais globalement c'est loin d'être le pire. Ça c'est pas le pire. C'est pas moyen le pire. Plus quoi. Il peut étonner. Moyen plus ouais. Plus que The Tale of Onogoro quoi. Il peut étonner, en tout cas moi je sais qu'il m'a étonné, alors que pourtant là, je suis un peu chiant graphiquement sur les jeux quoi, mais passage. Graphiquement, quand on regarde les captures, il a l'air quand même relativement propre. Mais on sait que les captures, il y a propre et propre. Méfiez-vous des captures. C'est pas toujours le rendu 100% du jeu, quoi. Il y a des petites différences. Je trouve que quand tu te balades dans les, rien que par exemple au début dans le vaisseau, tu vas arriver dans le bar qui est quand même l'image qui a été la plus partagée de partout, avec le personnage à 6 yeux et ses 4 doigts là, le géant là. Et c'est sûr que quand tu es dans ce bar là, il y a déjà un faisceau lumineux qui est juste au-dessus avec de la diffusion de la lumière et tout, et tu dis ouais là c'est pas mal, c'est chouette. Tu vois aussi quand tu as le toute la partie où il y a le Faucon Millennium qui s'est posé, que le truc que tu vas retrouver à Disneyland quand ils auront fini de le terminer, ce truc là c'est pareil, quand tu regardes par la fenêtre tu dis ouais, c'est par rapport à la version Quest, c'est super joli, la lumière est bien diffuse, c'est chouette. Et puis tu vas ouvrir un sas, tu vas te retrouver dans une pièce et là bling, là tu redescends de 2 étages et tu dis ah ouais, c'est quoi cette pièce, et t'as des, donc j'ai l'impression qu'il y a certaines zones qui sont plus travaillées que d'autres. Il y a des endroits où tu as vraiment la sensation d'être dans un jeu qui n'a même pas été développé sur PS4, parce que tu te dis c'est pas possible. Et puis tu vas te retrouver d'un coup sur le niveau suivant dehors, et là tu vas arriver, tu vas dire ah ouais, là c'est chouette quoi. Puis après tu avances un peu plus, et en fait moi j'ai l'impression que je faisais des vagues comme ça tout le long. Il souffle le chaud et le froid un peu. C'est ça. On peut mention spéciale et good job sur le reflet de l'armure de oui, bah par exemple. Ça, c'est des détails qui sont partagés et qu'on va voir. Mais autour, eh ben, si tu t'arrêtes un petit peu sur les rochers, tu... Ah ouais, d'accord, ils ont fait ça comme ça pour rajouter... Des rochers, je les trouve pas si pires non plus, par rapport à d'autres jeux, franchement. Et tu vois la version, ce qu'on râlait quand on voyait le trailer, tu te souviens, les espèces de bacs d'acide là dans la grotte avec les espèces de petites petits oiseaux verts, les trucs volants, voilà, dégueulasses. Les libellules. Quand je suis arrivé à ce passage-là dans le jeu, je ne l'ai pas trouvé aussi mauvais que sur le trailer. Que sur le passage. Trailer, ouais. Tu vois, je l'ai trouvé vraiment moins moche. Hein. Ouais, ils n'avaient peut-être pas de quoi faire un trailer complet. Ils avaient pris des morceaux de la version Quest, ou alors c'était juste pas fini. Et... Ouais, ils ont peut-être amélioré un peu plus. Un fan de Star Wars va adorer, je pense. Après, c'est vraiment... Mais ça reste... Old school arcade à fond. Genre, les ennemis, ils ont zéro intelligence artificielle. Ils te foncent dessus connement et voilà. Ils visent bien ou ils visent pas bien. C'est le niveau de difficulté. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est tout pour Star Wars du coup. Oui. Ouais. Allez. Mais pareil pour moi, je l'essaierai du coup. Je l'ai pas essayé encore. Ben, là moi je l'ai avancé un petit peu. Ah oui, tu traverses aussi, tu traverses tous les décors. Hein. Tu tends le bras, tu traverses les décors aussi. Mais Non, pas si mauvais que ça. Il y a bien pire sur le catalogue du PSVR 2. Donc, et puis, il y en a qu'on adorait. Moi, je lui mettrais plus des notes 6 sur 10. Alors que je suis sûr que El Rocco lui mettra peut-être un 7,5, quelque chose comme ça. Voilà, on est sur ces trucs-là, quoi. Il est tellement déçu que j'ai noté Vader Immortal. Mais bon, quand c'est pas bon. C'est pas bon. Hein. Ouais, mais là, c'est pas bon. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est quand même pas mal. C'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien, perso. Allez, je vais vous parler très, très brièvement et très rapidement de FantaVision. Alors, je sais même pas comment est-ce qu'on dit. 2020X. Ah oui. 2020X. C'est peut-être 2020X. Non. FantaVision 2020, ça allez, c'est vendu. Et d'ailleurs, c'est vendu à 29,99€. C'est fait par Cosmo Machia. C'est donc la nouvelle version du fameux FantaVision qui était sorti au line-up de la PlayStation 2. Qui est donc un simulateur de feu d'artifice. C'était un jeu que pas grand monde avait forcément aimé. Alors, on a des défenseurs de ce jeu quand même sur le Discord. Entre-temps, je suis allé faire un tour quand même sur Metacritic pour voir les notes de l'époque de FantaVision 2000. Et c'est vrai qu'il avait divisé parce qu'il y avait d'un côté une partie de la presse de l'époque qui avait tapé des 7 sur 10, des 8 sur 10, et une autre partie de la presse qui avait tapé carrément 3 ou des 4. Les 3 ou des 4 sur 10. Je sais pas si ça existait à cette époque. Faut rappeler surtout que c'est un jeu qui est sorti en même temps que la PS2. Donc c'est un jeu de lancement de la console 2000, et qui était là pour montrer que la PS2 gérait des particules, quoi. Voilà. Pour l'avoir essayé il y a pas si longtemps que ça sur le PS Plus Premium, enfin l'équivalent du Game Pass. C'était relativement chiant, hein, faut se le dire. Donc, qu'est-ce que ça vaut en VR? Ça y est, tu vas nous le dire, mais déjà, il part avec un handicap à la base parce que le jeu n'est pas non plus transcendant dans sa version d'origine. Alors, tu commences, le menu d'intro se situe sur un bord de plage, de nuit, avec une musique ultra cheap années 70, mais tu sais, 70, genre message à caractère informatif un peu, tu vois, dans l'ambiance. Avec des vagues je pense que c'est le truc le plus beau que j'ai vu dans tout le jeu. Être au-dessus de l'eau comme ça et puis voir les vagues comme ça qui t'arrivent dessus avec la plage et le feu d'artifice au-dessus, ça rend plutôt bien. C'est vrai que l'effet de flotte est plutôt bien foutu. Ce qui est dommage, c'est qu'après t'es très très très loin du décor et donc du coup tu peux plus vraiment en profiter quand t'es en jeu. Donc c'est un jeu résolument arcade à scoring où en fait on va devoir diriger un petit curseur avec les joysticks de feu d'artifice en feu d'artifice en allant de couleur en couleur. Une fois que tu as sélectionné tous les feux d'artifice de la même couleur, en fait tu dois trouver des espèces de petits bonus de pont, on va dire, entre les couleurs, et sélectionner d'autres couleurs, et ensuite faire le plus gros nombre de combos possible. Et plus tu fais des combos, plus tu as des bonus qui apparaissent, et plus tu peux faire des combinaisons un peu plus chiadées. Tu as des petits feux d'artifice aussi qui sont multicolores, qui te permettent aussi d'aller de couleur en couleur comme tu veux. Et le but, ça va être vraiment de faire péter le plus possible, de faire le plus de combos et d'amasser le plus de points qui te font remplir ta jauge de Star Mine, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, ou Star Shine, ou je sais plus quoi. Je peux pas t'aider. Qui a un mode bonus où là tu vas devoir. Tu es seul. Je sais, merci. Où tu vas devoir bourriner le plus possible pour justement faire péter les petits feux d'artifice des mêmes couleurs le plus rapidement possible et ça va très très vite. Et là par contre, t'engranges du point. Et donc voilà, tu traverses les niveaux. Tu commences à la plage, au-dessus de la ville de nuit. Tu fais des petits cercles comme ça. La caméra est automatique, hein. Et puis de stage en stage, en fait, tu vas changer de décor, tu vas aller dans l'espace. Après, tu auras d'autres décors différents encore au fur et à mesure de que tu avances dans le jeu. Alors, j'ai une question. Tu as bien précisé que tu sélectionnais les feux d'artifice avec le joystick. Oui, Tout à fait. Donc c'est pas un jeu, c'est pas un jeu dans lequel ils ont mis l'eye tracking pour sélectionner. Non, absolument pas. Tu ne vises pas ni avec le motion control des sens. Oui, même pas en plus, c'est vrai. Voilà, mais ni avec tes yeux, mais uniquement en fait avec le joystick. En fait, ça se joue vraiment de la même façon que. Ah oui. Que la version originale. Que la version originale. Ouais. T'as un mode classique. Old school là, alors. Voilà, t'as le mode classique justement où, comme on voit sur la vidéo que j'ai faite de la preview, t'as l'impression d'avoir l'écran en fait qui est un petit peu loin, entouré du décor, et les feux d'artifice restent toujours tous sur un espèce de plan en 2D, on va dire, devant toi. Et t'as aussi un mode dynamique où là t'es un peu plus dans l'action et donc qui est un petit peu plus difficile et où les feux d'artifice sont vraiment plus autour de toi, t'es plus plongé dans l'action. T'as moins le côté 2D scoring du jeu d'origine, donc tu peux choisir en fait entre ces deux modes de jeu là. Que dire de plus, que t'es vraiment obligé de lire le tutoriel avant de lancer la partie, parce que quand tu connais pas la version PlayStation 2, ben forcément tu vas être complètement perdu au mot départ. J'ai rien capté à ce que j'ai fait. Est-ce que je faisais Faut tout faire péter. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Et sur la vidéo, on voit que je piffe, mais je piffe complètement et je fais des scores de barjo. À mon avis, j'optimise pas des masses, mais voilà. En tout cas, tu peux t'amuser à essayer de tout faire péter en bourrinant et ça fonctionne plutôt bien. Je sais pas si c'est une tactique, mais. Oh, je pense qu'il doit y avoir certaines couleurs ou certains types de feux d'artifice qui s'adaptent mieux avec d'autres. Ouais. Quand tu veux faire des combos, donc. Faut essayer pour connaître. Voilà, c'est un peu un Demeo-like pour le coup. voilà. C'est en jouant que tu apprends. M'a fait penser un petit peu, voilà, c'est à Tetris Effect, le côté hypnotique seulement. À Tetris Effect, parce que c'est un bon jeu. Là, je suis pas sûr c'est de savoir pourquoi est-ce que j'ai. J'ai fait la vidéo de preview. J'ai continué de jouer un petit peu dessus. Je sais pas si j'y retournerai en fait, franchement. Je sais pas si c'est le genre de jeu que je ferais essayer à quelqu'un qui connaît pas la réalité virtuelle. Je pense pas non plus. Un fan de Fantavision, peut-être. Ouais, ça s'adresse aux fans, voilà. Mais à part eux, je vois pas bien à qui ça s'adresse. Et donc il y a un côté un peu cheap hein, dedans dans le jeu, mais qui est voulu, qui est assumé. Et ça, par contre, j'aime bien. Ça, j'aime bien quand les jeux ils se prennent pas trop au sérieux. Tu vois, dans la vidéo d'intro, t'as une musique vraiment très très message à caractère informatif, débilos, un peu ringarde, années 70, très très décalé. Et ça, j'aime bien. Toi, j'aime bien un petit peu ce côté un peu humoristique. Décalé, c'est plutôt cool. Graphiquement, ça aliase un petit peu, les décors aliasent. C'est vendu quand même à 30 balles. Oh putain, quand même. Et bon, voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus en fait sur ce jeu-là. Face à Tetris Effect, il y a rien à dire de plus. Il est cuit, quoi. Il part déjà avec un handicap. Enfin, on l'a déjà dit, hein, mais je comprends pas l'intérêt de. Si en plus ça profite même pas de la technique du casque, je comprends pas l'intérêt d'avoir ressorti ce jeu. Bah j'ai l'impression déjà quand il a été annoncé Fantavision 2020, c'était un petit peu pris à la blague quoi. Les gens quand ils ont su que Fantavision allait revenir, allait ressortir. Ouais, mais ça fait cher la blague quoi. Dans ces cas-là, tu le files en démo gratos. Si tu sais que c'est une blague. Il y a des nostalgiques. Oh, c'est. Oh. Je me dis quand même qu'il y a des gens qui vont l'acheter, qui vont kiffer. Et d'ailleurs, sur le Discord, t'en as qui aiment Fantavision et qui disent « Putain, mais j'aimerais bien quand même tester ce jeu-là en VR. » Ouais, mais ça fait cher le test, quoi. Ah bah... Est-ce que tu vas au bout d'un jeu comme ça ? Ah, il y en a qui vont certainement arriver jusqu'au bout. Hein. Oui, bien sûr, il y en a qui vont... C'est le genre de truc qui pourrait débouler sur le PS Plus, un PS Plus VR, quoi. Moi je dis, si t'as l'esprit un petit peu altéré, ça peut marcher. Voilà. Ah oui. Je pense. Et si t'es un peu aviné, quoi, tu voulais dire. Oui, aviné légalement. Voilà, ouais. Très bien. Voilà, si t'es un peu fatigué, si t'es un petit peu comme moi en ce moment, bleu, et que t'as peu. Oh, label rouge. Si t'as un petit peu la grippe, tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, ton esprit doit sortir de ton corps, tu vois, et puis avoir l'impression d'être une fusée de je sais plus. Voilà. Bref, Fantavision. Apparemment, ton cerveau aussi, il est un peu fou. Il est parti dans l'espace. C'est ça. Fantavision 2020, ben, je sais pas. Voilà, essayez. Vous verrez. Et puis. Il n'y a pas de démo gratuite. Il n'y a pas de démo. Ah bah non. Pas que je sache. Ah bah là, s'ils mettent une démo, ils perdent tous les achats potentiels. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est un jeu démo, quoi. Tu l'essayes et puis après, puis tu te placards, quoi. Donc voilà, Fantavision 2020, essayez, 30 balles, à vous de voir ce que. Où est-ce que vous positionnez. Est-ce que tu le conseilles, essayez. Est-ce que tu le conseilles. Aux fans de Fantavision, oui. Bon, okay. Toi, vous êtes fan de Fantavision, achetez-le. Je prends pas de risque, hein, t'as vu. C'est la lâcheté du mec. Ensuite, on a un jeu dont on parle quasiment jamais pendant les podcasts. Non, mais en premier, on va en parler rapidement. Et c'est Majo qui va nous en parler. Slip en peau de bête et casser des os avec des cailloux. On va parler d'un jeu où il y a de la physique dans l'eau, messieurs. Ouais. Hein. D'accord. Parce que c'est une denrée rare. Je vais revenir rapidement sur Song in the Smoke. Je vais pas refaire mais c'est très important. Je veux pas refaire le test. Je veux juste dire. Donc j'en ai fait la preview. J'ai remis le casque pour retester ce jeu. Je voulais parler du gap technique en fait qu'il y a entre la version PSVR et cette version. Qui je trouve est en fait sublimé par l'OLED et le HDR, où là vraiment ça prend tout son sens et tout son potentiel, et surtout ça fait plaisir de voir que en fait le PSVR il a une résolution de fou, parce que c'est le jeu avec la meilleure définition de tous ceux que j'ai essayé sur PSVR 2, et c'est juste bluffant. Et là quid de, enfin, l'effet de grille, le Murat, j'allais dire, il y en a plus, sauf la nuit, puisque bon, je pense que tout ce qui est la nuit, tous les Murats sont gris. Exactement. Et mais vraiment, enfin, j'insiste là-dessus. Si vous voulez voir de quoi est capable le PSVR 2 d'un point de vue purement technique, résolution, allez sur, etc. Allez sur Horizon. Jouer Song in the Smoke. Et là, vous verrez vraiment ce dont le casque est capable. Et c'est franchement, c'est une redécouverte. Enfin, le HDR et l'OLED couplés, c'est vraiment un truc de fou. Majo, ouais. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses pas que l'amour rend aveugle un peu? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est le principe de l'effet waouh. Et en fait, je me suis retrouvé à dire ah ouais non mais ah ouais en fait non mais c'est hyper bien, ah ouais non mais c'est formidable. Et j'ai eu un peu le même effet avec Horizon, du coup, parce que tu te dis putain mais ouais mais c'est hyper fourni et tout. Alors là, on n'est pas au niveau d'Horizon en termes de végétation, comme je dis c'est pas un truc qui est photoréaliste, mais par contre quand t'es dedans, si tu veux, ben tu t'y sens bien et ça fonctionne. C'est suffisamment beau pour être crédible et te faire oublier que ben t'es dans un jeu, du coup. Et là, en fait, ils ont sublimé, je trouve ça, et en plus avec l'association, je répète, hein, de l'OLED et du HDR, c'est juste un truc de fou, quoi. Même les cinématiques, j'en ai laissé une dans la preview où t'es dans une tente toujours, si tu veux. Enfin, franchement, tout est sombre. Et là, il n'y a pas de Murat, par contre. Tout est sombre et t'as vraiment la lumière, la projection des lumières sur les murs et tout. Enfin, j'ai vraiment été bluffé, quoi. Je répète, la démo est disponible. Donc, si jamais vous ne l'avez pas fait et que vous avez la possibilité de l'essayer, je vous le conseille vivement, parce que je trouve que c'est le meilleur je parle en termes de résolution, parce que bon, techniquement, on peut aller au-delà, mais en termes de résolution et du potentiel de l'OLED et de l'HDR couplé, je trouve que c'est un des meilleurs élèves et une des meilleures démos qu'on puisse avoir, quoi. La voilà. Démo, c'est le tuto, l'intro et la première zone, c'est ça? Je sais pas, je l'ai pas faite. D'accord. Ok, bon bah. La démo, c'est de remettre le jeu pour moi. c'est vrai que c'est marrant, parce que Song in the Smoke, c'est pareil, graphiquement, c'est pas un truc qui est méga super poussé en modélisation. Mais par contre, il est à la fois moderne visuellement. Il est chouette, les éclairages sont chouettes. Et quand tu y es, t'as l'impression d'être dans un jeu qui est plus moderne que Star Wars La Pizza Surgelée. C'est marrant, mais il est plus récent. Hein. Ouais, mais on parle de 2 ans. Je veux dire, c'est il y a des jeux qui datent de 2016 qui sont peut-être plus beaux que ça, mais ah oui, j'ai pas eu cet effet. Quand tu te lances dans Song in the Smoke, t'es pris par le truc, et ça te dérange pas, et tu dis c'est chouette, c'est cohérent, ça fonctionne. Et c'est à partir du moment où c'est travaillé, même le bestiaire est travaillé. C'est vraiment. C'est le seul truc que j'aime pas dans Song in the Smoke, c'est les jaquettes. Je trouve que ça fait vieillot. Mais par contre, c'est vrai que tu rentres dans le truc, tu n'as pas commencé le jeu, tu dis déjà, putain, c'est confortable, tu te déplaces où tu veux, tu montes où tu veux, tu n'as pas des machins que d'un coup, tu te dis, putain, pourquoi je n'arrive pas à passer cette porte, il faut une téléportation pour ça. C'est parce qu'il n'y a pas de porte. Non, mais je veux dire, c'est super cohérent, et c'est à partir du moment où tu arrives à rentrer dans le jeu, qu'en fait, tu ne vois plus ses défauts. Parce que t'es pris dans l'histoire, t'es pris dans le truc, et là tu vas pas chercher le Murat dans un coin, tu vas pas te dire ah oh, putain bah cette texture elle est moche quand t'es pris dans le gameplay. T'es pris dans le gameplay parce que l'histoire bon. Mmh. Et tant que tu finis pas le jeu, tu comprends pas. Non, pas l'histoire, mais ça fonctionne, c'est joli quoi. Il y avait des jeux, je sais pas moi, comme Fract ou des trucs comme ça, graphiquement c'est pareil, c'est pas du photoréalisme, mais je trouve que c'est des styles qui fonctionnent quoi. Entre Fract et Song in the Smoke, il y a quand même beaucoup plus de travail sur Song in the Smoke. C'est l'idée, mais je suis plutôt d'accord avec Laurent justement. En fait, Fract, c'est pareil. En fait, la mise en scène et puis le gameplay était tellement frénétique qu'au bout d'un moment, t'étais juste dedans et tu profitais en fait de l'action et du gameplay pur quoi, et ça fonctionnait. Ouais, sauf que là c'est pas du tout une histoire de mise en scène, c'est vraiment une histoire de réel technique et d'environnement. Mine de rien justement l'intelligence des environnements de Song in the Smoke, c'est que ça bouge tout le temps partout aussi. Oui, il y a de la vie. C'est qu'il y a de la vie de partout, que ce soit des animaux, que ce soit des éléments du décor, le vent, les cascades, les effets de lumière, la fumée qui sort du sol, enfin t'as tout le temps quelque chose qui se passe quoi. Donc et pourtant j'aime pas ce jeu, mais on peut en tout cas lui reconnaître que. Il y a un mode facile pour toi. Ouais, je sais. Quand j'aurai le temps. Tu peux y aller maintenant. Quand j'aurai le temps. Tu peux faire du tourisme comme dans Jurassic Park. Quand j'aurai le temps, mais j'attends que tu sois saoulé en fait par ce jeu-là, que tu commences à plus en parler, et comme ça je prendrai le relais. Toi, et c'est moi qui en parlerai ensuite à toutes les émissions. Vous remarquerez que je ne parle plus de No Man's Sky. Ouais, attends, bah ça y est, tu viens de le faire. J'ose plus. Tu viens de le faire. J'ose plus. Donc, ok. Aïe. Bon. Autre chose à rajouter qui n'aurait pas déjà été dit sur... Faites-le. Parfait. Bon. Au moins pour la technique, faites la démo. Voilà. C'est ça. Moi, bon, ça coûte rien et puis au moins vous serez fixé directement, savoir si ça vous plaît, si c'est votre genre de jeu ou pas. Ok. Merci, Majo. Est-ce que vous vouliez... Les jeux qu'on avait barrés, on les rebarre pas ou, enfin, on les débarre ou on les débarre pas? Je sais pas, on peut en parler vite fait, y a pas de souci, c'est des petits jeux. Vite fait. Eh ben justement, est-ce que ça serait pas mieux qu'on en parle profondément dans 2 semaines et qu'on passe. Comme vous voulez. On passe. Et qu'on passe. Parlons-en profondément dans 2 semaines. Ouais. Arrivons au sujet de la soirée, la star. Bien. Le temps attendu. Alors, donc. L'heure est grave. Il y a eu un jeu que on attendait tous beaucoup, beaucoup, beaucoup. La suite d'un jeu qui nous avait énormément plu, je pense tous, sur PSVR, qui était donc Until Dawn en Rush of Blood. Du PSVR. Voilà, la suite tant attendue est enfin arrivée et les images, même si elles n'avaient pas l'air extrêmement détaillées, nous donnaient quand même envie. Et donc on a pu l'essayer, on a eu la chance de l'essayer. On remercie le studio de nous avoir envoyé la clé pour pouvoir l'essayer en avant-première et de vous proposer courageux. La preview sur YouTube. C'est évidemment Switchback qui est enfin sorti et waouh. Laurent, est-ce que tu veux... waouh, mais dans quel sens? Laurent, est-ce que tu veux en parler? Oui, mais on va être plusieurs à en parler parce que. Alors, je vais déjà vous remémorer le contexte. Donc du coup, on a le jeu. Je devais faire la preview du jeu. Donc, je passe une bonne partie de ma soirée dessus, environ 5 heures dessus. Et le lendemain matin, j'ai dit à toute l'équipe allez y faire un tour parce que il me faut votre avis, là, il y a un souci. Et donc, on est quand même 5 à être allés essayer ce switchback, et on a tous été d'accord, sans s'être consultés spécialement. Donc, globalement, c'est un jeu qui est graphiquement daté, mais il n'y a pas que ça, hein, parce que, alors on va dire, graphiquement, c'est quand on parle de graphisme, on parle de texture, hein, attention. Non, pas texture, modélisation, animation. Modélisation, tout. Voilà. Et animation, ouais, modélisation, ça. Animation des personnages, texture. C'est tout. C'est un jeu PSVR, mais pour moi, qui est moins bon que Rush of Blood. Donc, il y a tout. Hein. Tu démarres dans le jeu. Alors, t'as déjà les soucis liés au temps de chargement, qui sont sur une PS5 complètement dingue. Impossible d'avoir ça. Ils sont de 6 secondes. Mais il y a des moments, ça te paraît interminable. Ils sont plus longs que sur Rush of Blood. Ok. Après, c'est con, hein. C'est dommage. après, graphiquement, il faut surtout pas regarder les de près, parce que si tu regardes de près, tu vas pleurer. Un peu obligé en même temps. C'est la cata. Ensuite, les personnages, les animations des personnages. Alors, je vous cache pas que le troupeau de rats qui déboule, ou de scarabées un peu plus tard qui déboule, où tu vois des trucs qui bougent dans tous les sens. Qui volent à 10 cm du sol et après qui se plante dans le sol pour s'échapper. Ouais, c'est sympa. C'est ça. Et t'as les poupées aussi, la maison des poupées, où c'est que t'as des poupées au plafond qui ne marchent pas sur le plafond, sont sur le côté. Donc elles ont bien les bras et les jambes qui bougent, parce que c'est pas toujours le cas. Mais par contre, elles avancent posées sur le dos. T'as plein de choses comme ça. Je passerai les espèces de crevettes de l'espace qui te sautent à la figure et qui avancent sur une ligne droite sur un rail. Et tu dis mais c'est complètement pas cohérent quoi. C'est un machin. Il y a limite une accélération et puis c'est une ligne droite. Tu vois la crevette qui arrive direct sur toi. Tu dis après. T'as les chiens. T'as le chien aussi qui te saute dessus chien. Mais il a les pattes qui bougent pas. Il saute juste dessus sans que les pattes elles bougent. C'est pas mal ça. Au début du jeu, au tout début, t'as aussi des zombies qui sont derrière un grillage. Et quand le grillage s'ouvre, le grillage est grand ouvert. Et t'as les zombies qui attendent leur tour comme s'ils avaient un ticket à la boucherie. C'est à moi d'y aller là, d'aller le bouffer. Non, attends. Et d'ailleurs, tu te demandes si c'est voulu ou si c'est un bug, quoi. Parce que est-ce qu'ils sont pas censés tous sortir? Parce que tu peux même pas les tuer. Hein. Tu peux pas les tuer, ils font partie du décor. Même si tu vises, tu peux pas les tuer. Oui, t'en as qui font partie du décor en fait. C'est juste qu'ils sont pas censés bouger, quoi. Mais tu vois, ils auraient dû planquer un petit peu le truc, je sais pas, mettre des tentures sur le grillage pour que ça se voit un peu moins. Mais là, ça se voit grave. Enfin, c'est cheap, quoi. Le jeu, il est cheap. Moi, quand je l'ai essayé la première fois, quand tu nous as dit de l'essayer, Laurent, j'ai vu le flingue dans mes mains pendant le temps de chargement. Je me suis dit, putain, mais retour 2016, quoi. Mais vraiment, j'étais retourné en 2016. J'avais vraiment l'impression d'avoir le PSVR sur la tête. Voilà, j'ai tendance à être plutôt dur en général au niveau des notations. Et c'est pour ça que j'ai demandé un peu à tout le monde d'aller faire un tour. Et je sais que dans l'équipe, il y en a qui sont plutôt de l'autre côté optimistes. Et quand j'ai vu que tout le monde disait « Ah oui, effectivement, il y a un souci », c'est là qu'on a commencé à dire « Oula, il y a vraiment un souci ». Donc, comme tu disais, le chien, là, mais c'est un moi, ça m'a sorti complètement de l'immersion. Parce qu'à la fin, au bout de 3-4 heures, les zombies ou les machins pouvaient arriver. J'avais même pas un jumpscare parce que j'avais envie de rire en les voyant arriver. Mais ouais, c'est ça. Parce que c'est cheap. À un moment, au tout départ aussi, t'as un espèce de bateau comme ça, une espèce de hors-bord qui passe sur les côtés. Ouais. Le hors-bord, il suit même pas une ligne logique en fait. Tu sais, Ouais, c'est un jeu d'arcade. C'est l'équivalent de ce que tu voyais dans Time Crisis. Exactement. Sur les bornes d'arcade à l'époque. Oui, exactement. Mais en cheap. Qu'est-ce que tu veux avoir peur de ça en fait? Bah, je sais pas, non, au bout d'un moment, le bateau il te fonce dessus, tu fais pff, ouais, bah quoi, c'est tellement pas réaliste que ça marche pas quoi. Mais vraiment, là, quand il va arriver, mais moi ce qui m'a vraiment sauté à la gueule quand je l'ai essayé, c'est le problème de la résolution de ce jeu là. C'est-à-dire que, un, les temps de chargement sont longs, je crois que c'est le pire. La résolution est la même que Rush of Blood sur PSVR. Et d'ailleurs, alors à la base on s'est dit quand même on pensait que c'était pire, hein. On pensait que la résolution était pire que Rush of Blood de 2016. Mais... Et quand on a vérifié, on s'est aperçu que c'est la même, en fait. En fait, c'est la même. Majo, là, d'ailleurs, sur la version vidéo de, du podcast, il y a le comparatif que t'as fait. Donc, t'as ressorti Rushoff Bloat sur la, pour faire les captures. Vous constaterez que la, la, la capture en plate de Rushoff Bloat est bien plus pixelisée et a l'air vraiment de bien moins bonne qualité que Switchback. On peut vous garantir que dans le casque, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Majo, il a retesté. Parce que la, la capture est, est en 4K sur le, pour, la PS5, non? Non. Alors non, c'est du 1080p aussi, 1080p mais j'ai, aussi. Joué à Rush of Blood, j'ai joué à Rush of Blood sur, sur PS5, et du coup, bah, la capture est elle aussi faite en 1080p. Mais bon, le jeu ne doit peut-être pas être dans une c'est résolution. C'est pas du 720p de base sur les jeux PS4 les captures? Non, pas sur, la, pas sur la PS5. D'accord. Sur la PS4, oui, mais pas quand tu captures depuis la PS5, c'est en 1080. Et, mais non, mais c'est effectivement, je m'étais dit, putain, franchement, j'en garde quand même un bon souvenir de ce jeu, il était magnifique, enfin, je me rappelle. Oui. Et en fait, pas du tout. Il était super efficace. Efficace, mais je pense qu'il y avait cet effet nouveauté parce que c'est un jeu qui est sorti en même temps que le PSVR. Au tout début. Aussi, ouais, ouais. Enfin, au moins la première année. Et en fait, ben la résolution, la définition du jeu, elle est dégueulasse, quoi. Elle est aux fraises. Et ça m'avait fait le même effet sur, j'en avais parlé sur Tetris Effect, pardon, où je l'avais essayé à la PGW, et je l'avais réessayé là via le PS Plus collection là, extra, je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, ben, le jeu était ultra flou, donc on a quand même comment dirais-je, un souvenir qui est légèrement amélioré par rapport à certains jeux, et notamment sur Rush of Blood, parce que finalement c'est la même chose, quoi. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est le plus rageant, c'est de se retrouver en fait avec un jeu qui sort sur un casque d'une génération supérieure et qui se retrouve avec on va dire les mêmes défauts qu'à l'époque. Mais tu confirmes qui finalement n'étaient pas des défauts puisque c'était la nouveauté. Mais tu confirmes, Majo, que la résolution de Rush of Blood est la même que celle de Switchback, en tout cas quand t'as le casque sur la tête. En tout cas, alors techniquement j'en sais rien, mais en tout cas c'est aussi flou. C'est aussi flou sur, c'est sur Switchback que sur Rush of Blood. Sauf qu'on passe d'un jeu qui tournait sur PS4 Fat à un jeu qui tourne sur PS5, sur un PSVR 2. Et est-ce qu'on peut dire que le pire, c'est pas le train, enfin c'est pas dans le wagonnet, c'est cette espèce de scène cinématique où t'es dans le train en fait, où tu es, ah oui, tu fais, où on rajoute une espèce de sur le un espèce fou. De souvenir. C'est la cata totale. C'est, ça. Là, c'est une catastrophe. Hein. C'est, ouais. C'est encore pire que là. Ah, par déjà, contre, c'est pire les, que les personnages. Les personnages sont pires que des personnages PS3. Ils sont inanimés. Ils sont inexpressif. T'as un espèce de fog permanent là. Alors du coup, ça fait remonter tout ce qui est brouillard et compagnie, le brouillard. L'anglais. Ah oui, c'est vrai. Parce que je parle anglais. Et puis ça fait vieillot, quoi. Ça fait tu te dis putain, mais qu'est-ce que c'est que ce délire. Déjà d'entrée, tu rentres dans le jeu, tu dis ah ouais. Déjà tu ouais d'accord. C'est retour c'est quoi, 2016. Truc, mais ouais. L'autre souci aussi du jeu, Switchback to PSVR, ouais, c'est ça. Le menu déjà faisait peur. Le souci aussi du jeu, c'est que les décors sont beaucoup plus vastes en fait, j'ai l'impression. Mais du coup, oui. Plus aérés. Moins fermés. Les environnements sont moins beaucoup fermés. Moins fermés, mais du coup beaucoup plus vides. C'est le souci aussi. Parce que en fait, dans Rush of Blood, justement, c'était très très encaissé. Ça travaillait aussi pas mal sur la claustrophobie. T'avais quelques éléments de décor qui étaient un peu plus ouverts, mais ça c'était quand même assez rare. Les parties extérieures quand tu sortais du cirque, voilà, qui étaient un peu plus ouvertes. Mais globalement, en tout cas, dans les intérieurs, c'était quand même plus proche de toi, plus sur toi. Beaucoup plus d'éléments du décor aussi qui étaient là pour habiller un petit peu les décors. La mise en scène était bien faite. Ouais. T'avais le son t'amenait à quelque chose. T'avais un bruit d'un côté, un bruit de l'autre. Tu tournais la tête et puis quand tu tournais la tête la troisième fois, t'avais un zombie à côté. Là, t'as pas de surprise. Alors la qualité sonore quand même, je trouve sur Switchback est alors à moins que ça soit la version parce que quand je lance Rush of Blood, elle est bonne, quand je lance Rush of Blood, ils te disent attention que la version peut être altérée. Donc effectivement j'avais des bugs Et ça, alors je l'ai viré au niveau de la capture, mais ça se voit des fois il y a des saccades sur la version de Rush of Blood, parce qu'en fait j'avais le menu pause qui s'activait tout seul. Pourquoi, j'en sais rien. Donc genre je sais pas, toutes les 30-40 secondes en fait il y a le menu pause qui se mettait. Tout ça pour dire quoi, je ne sais plus. Au niveau du formidable. Son. Non, puis, oui, puis, au niveau du son, pardon, je trouve que Switchback est bien meilleur que Rush of Blood. Oui, d'accord. Au niveau du son, oui, t'as des petits effets 3D qui sont sympas. Par contre, au niveau de la mise en scène, de se servir de ce son justement pour amener le spectateur à quelque chose, et ou même le passage avec les cochons dans Rush of Blood, où il y avait des tonnes de trucs comme ça où tu passais, tu disais waouh. Là, ça part dans un délire avec des crevettes interspatiales qui viennent t'attaquer d'une autre galaxie à la Alien. Ça c'est tiré des jeux, hein. C'est tiré des jeux, hein, de la nouvelle saga Dark Pictures, de la nouvelle saga de. Alors à la limite, mais ça a des rapports, quoi. Comme c'est foutu, c'est pas probable. Elle peut pas te sauter dessus comme ça. Elle peut pas faire ça comme ça. Tu sens que derrière tu vois toutes les ficelles en fait du bon vieux jeu qui a été bâclé à la va-vite, et encore je pense que les derniers niveaux ça doit être quelque chose. Je vais pas tarder à y arriver, parce qu'en général quand ça commence comme ça, ça se dégrade en avançant quand ils ont pas eu le budget en fait. Et après pour moi il y a deux hypothèses. Soit ils se sont dit on va pas trop le booster parce que on va plus tard le, parce que c'est quand même une exclusivité PSVR 2 PS5, donc ça c'est important. Et soit ils se sont dit eh ben on va pas le booster et puis plus tard on le sortira sur de l'autonome, ce que je ne crois pas du tout, hein, cette théorie là. Moi pour moi c'est un jeu qui a été développé pour le PSVR. Ils l'ont commencé, il a fini dans les cartons après Bravo Team et The Impatient qui ont pris un accueil mitigé. C'est resté dans des cartons pendant 2-3 ans. Et quand le PSVR 2 est arrivé, ils ont dit bon, on a possibilité d'avoir un contrat facile avec Sony qui veut une exclusivité, on n'a qu'à leur ressortir ça, on prend le chèque et puis on fait ça à la va-vite. Sauf que maintenant ça sort, et ben on sort. Parce qu'il y a un truc, on peut dire qu'un jeu graphiquement il peut être amélioré, il peut y avoir des choses, mais il y a un truc qui ne pardonne pas. Et c'est les temps de chargement. Ça prouve que le jeu, en fait, il a jamais été optimisé pour la PS5. Et ça, c'est cash, ça pardonne pas. Moi, c'est le premier truc qui m'a sauté à la figure quand je l'ai lancé. J'ai dit mais pourquoi j'attends là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et puis après, tu et le clipping, t'es quand même sur un rail. Le clipping, on en parle, ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Ah ouais. Ça pop sur les textures, mais ça pop 3 alors à voilà, 4 fois sur la c'est, même texture. C'est les alors plus voilà, gros jumpscares du jeu, c'est le clipping. C'est, hein. C'est, ouais. C'est, pas des, voilà, c'est ça, c'est que c'est pas des clippings où tu vas avoir un arbre qui va apparaître d'un coup ou des trucs comme ça. Non. C'est-à-dire qu'en fait, l'arbre, tu vois. Ouais, on a vu des arbres qui sont arrivés d'un coup. C'est pas moi ce qui m'a le plus choqué, mais c'est vraiment là où tu vas avoir un truc, puis tu vois. Enfin, l'arbre, tu vas le voir, mais il va être dans sa texture la plus, dans sa résolution la plus basse. Puis après, t'as premier niveau de texture qui arrive, donc deuxième niveau de texture qui arrive, troisième niveau de texture qui arrive, et c'est dégueulasse, quoi. Enfin, et ça se voit vachement mal. Et en plus, ça qui est pire, c'est que malgré le fait que la résolution elle soit pourrie, t'arrives à voir ça. Donc c'est ça qui est fou, quoi. Sur les rochers, c'est le pire aussi. Comment c'est possible d'en arriver là? Et dernière chose, comment est-ce que ça peut passer le contrôle qualité, quoi? Comment est-ce que sur un casque de nouvelle génération, tu peux avoir un truc qui passe dans un état pareil? Qui l'a testé, ce jeu? Je voudrais savoir qui chez PlayStation l'a essayé et l'a validé, quoi. Et il est sorti en retard pour justement être peaufiné, hein. Ah ouais, il devait arriver le 22 février, il est officiellement sorti depuis le 16 mars. Le souci c'est que PlayStation, finalement, n'importe quel jeu, PlayStation, ils sont pas éditeurs, c'est ça, il y a ça aussi, c'est qu'ils étaient éditeurs sur Rush of Blood, ils étaient éditeurs sur The Impatient et sur Bravo Team. Il est en auto-édition par Supermassive. Peut-être que PlayStation, ils ont dit non, mais on va pas l'éditer, il est pas terminé, et de toute façon PlayStation, ils vont pas refuser un jeu qui va arriver si tout a été rempli, si les dossiers ont été remplis. Eh ben, le jeu il sort sur le store, ils vont pas dire non, toi tu viens pas, t'es trop moche, parce que des jeux moches, il y en a des pires que ça aussi. Non mais non. Là franchement, c'est le plus gros foutage de gueule. Non mais je parle du lancement du PSVR. Je parle de jeux PS4 et PS5 plat. T'as des jeux qui... Non mais là on est sur non mais là oui, non mais rappelle-toi, ouais, sur mais PSVR sur, par exemple sur... PSVR, on avait le jeu de zombies No Man's Land, là je sais pas quoi, là un jeu qui était complètement Qui, de Vertigo Games, putain oui, ceux qui ont fait After the Fall. Non, encore pire, un jeu d'un studio qui n'était pas du tout connu, c'était une vraie catastrophe, il était passé. Dans la forêt, ça a pu passer. Dans la forêt, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Sébastien qui l'avait testé, ou Okami, je me rappelle. C'était Okami, je crois. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe, ce jeu. Eh ben, je veux dire, ces jeux-là, tu te dis, il faudrait pas qu'ils arrivent sur le store, mais ils peuvent pas les, bloquer. Non, mais Laurent, c'était pas des jeux de lancement. C'était pas des jeux de lancement. Ça. Oui, on est sur la fenêtre de lancement. Là, on est sur un jeu qui est censé te dire, putain, le casque, il est génial, c'est ça, achetez-le. C'est quoi. Ça. Tu vois, c'est vrai. Tu peux pas. C'était un jeu pas qui était laisser passer un truc pareil à cette période-là. Enfin, je veux dire. Sachant après un Rush of Blood qui a fait l'unanimité à sa sortie. Exactement. Parce qu'on pouvait justement expliquer les carences techniques, etc. Là, c'est exactement les mêmes carences, mais en pire. Sur une PS5 et un PSVR 2. Mais c'est ça, sur un casque qui est de meilleure résolution, sur une console qui est 10 fois plus puissante. Enfin, pour moi, en l'état, c'est un hold-up que le studio essaie de faire. Et 40 balles. Et 40 balles. 40 euros. Mmh. 40 euros. Ah oui, en plus. Voilà. Moi, j'espère franchement qu'il y aura une amélioration, en tout cas au niveau de la résolution, parce que je ne comprends pas que ça doive tourner sur une petite résolution comme ça, en voyant les éléments des décors qui sont absolument pas détaillés, les animations qui sont inexistantes, etc. Je ne comprends pas, j'espère franchement que ça va être patché, mais j'y crois pas des masses. Hein. Vous me connaissez, je suis pas friand des jeux qui font peur à jumpscare et tout ça, celui-là je l'attendais parce que j'avais des bonnes sensations, mais je suis une flippette quoi avec ce genre de truc. Mais là, le jeu il est tellement dégueulasse que j'arrive même pas à avoir peur en fait. Bah oui, c'est ridicule quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'un jeu où t'as du jumpscare à gogo et tout, mais je n'arrive même pas à flipper, quoi. Tellement rien ne me paraît crédible en fait quand je le vois, ou alors que je le vois pas du tout. Après, il y a quand même des bons côtés, notamment les petits puzzles là, que tu as. J'ai fait que le premier où t'as le mec qui est dans la prison là où ça se remplit au fur et à mesure et qu'il faut que tu finisses avant que le type se noie. J'ai d'ailleurs vu dans la preview Lolo que tu ne l'avais pas sauvé. Non. Il s'est noyé. Qui crève. On se connaît pas. Bon bah tu crèves. Du coup j'ai trouvé ça plutôt marrant. Il y en a plein que j'ai pas sauvé hein, parce que tout le long du jeu t'en as plein des gens à sauver. Après, je parlais du son. Le son est aussi, je trouve, très bon. Mais c'est vrai que pour le reste, ouais, c'est le même jeu, quoi. C'est Rush of Blood, mais sur une génération de consoles plus tard et. Mais moins bon que Rush of Blood. Aussi qualitatif. Ouais, moins bon. Rush of Blood. Je dirais pas qu'il est moins bon parce que je te dis, je l'ai refait. Enfin, je l'ai relancé. Mais je pense qu'il y a moins l'effet de surprise et l'effet de nouveauté. Et surtout, l'attente était différente. Mais il est longuet. Il est longuet aussi, même dans sa mise en scène. En ça, il est moins bon pour moi que Rush of Blood. Rush of Blood, tu t'ennuyais pas. Parce qu'il avait justement la capacité de te choquer. Ensuite, de te laisser un petit peu de répit. De t'en remettre une juste derrière. Celui-là, en fait, tu te fais chier. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de répit. Ouais, je trouve que. Enfin, dans ce que tu m'as envoyé là pour faire la version vidéo du pod, dans ce que tu m'as envoyé de tes captures, effectivement, il y avait des phases où je me suis dit putain, mais il se passe rien. Il se passe rien, quoi. Non, il se passe rien. Il se passe rien. Et encore, j'ai l'impression. Et après, ça, c'est les souvenirs qui parlent. Hein. Mais j'ai l'impression qu'en plus, au niveau des sensations du wagonnet, les sensations étaient meilleures sur Rush of Blood. J'ai remarqué des espèces d'accélération quand t'es en côte. En fin de côte, juste avant une descente dans Switchback, où il y a une petite accélération, mais qui est ultra factice en fait. Genre, normalement, le wagon, il doit prendre de la vitesse au fur et à mesure et t'emmener ensuite dans l'accélération de ta descente. Là, t'as une toute petite accélération, mais factice quoi, qui fait. Même les sensations en fait du wagon sont moins bonnes dans Switchback que dans Rush of Blood. Je trouve ça assez incroyable, quoi. Enfin, pour moi, Switchback, c'est une chute de Rush of Blood. Vraiment, ça ressemble à une chute de Rush of Blood. Des trucs possible. Qui n'ont pas été gardés. Un DLC ou un je sais pas quoi. Des trucs moins efficaces ça sent, qui ont été. Ça sent vendus, le projet dans un carton, ça c'est sûr. Qui a jamais été abouti et qui est arrivé là. Au lieu de sortir au 16 mars, ils auraient mieux fait de le maintenir et de le commercialiser en septembre. Le projet dans un carton, j'y crois moyen parce que étant donné que c'est sur des nouvelles licences, les nouvelles licences, je crois pas des basses de Dark Pictures, il faut quand même que ils aient sorti leur jeu. Ils peuvent rajouter faire les clins d'œil quoi. Ils peuvent rajouter 2-3 trucs. Tu veux dire les vampires, les machins comme ça là. Il y a peut-être des niveaux qui ont été rajoutés dernièrement, mais en tout cas c'est un truc que, enfin, je sais pas, mais ils savent quand même qu'ils sont sur une PS5, que le PSVR 2 est exclusif à la PS5. Si encore c'était un jeu qui était à cheval sur deux générations parce qu'il n'est pas sorti sur PS4, tu te dirais bon ben on se tape, malheureusement on se tape un jeu PS4 sur PS5 et puis on aura peut-être une version PS5 qui va tenir le coup plus tard. Là c'est quand même comme tu, du coup, vous disiez tout à l'heure quoi, c'est quand même le lancement du PSVR 2, un jeu de lancement attendu, les gens ils ont acheté un casque avec tout un tas de trucs, de l'eye tracking, le rendu fovéal et tout le bordel qui va avec, et ils se retrouvent avec un truc de PSVR, c'est inadmissible quoi. On peut parler de l'eye tracking aussi, qui finalement... Il n'y en a pas grosses features annoncées, mais... Donc Blink, ça... Ah oui, le clignement des yeux. Alors ça aussi, ça m'a fait rire. Mais tu vois, c'est le truc qui a tellement... Et c'est un passage qui dure 3 minutes. Hein. Et oui, c'est un truc qui sert à rien. Et c'est un truc qui a tellement été mis en avant, tu vois, ça me paraissait un peu bizarre, ça, dans leur communication, justement, qu'ils mettent ce truc-là autant en avant. Après, c'est peut-être utilisé sur une autre scène plus tard, mais en tout cas... Franchement, comme je disais, ayant eu le passage des anges dans comment ça s'appelle, le TARDIS, là, Doctor Who, moi j'avais flippé avec ça. Quand tu tournais la tête, à chaque fois t'avais l'ange, il se rapprochait, tu le voyais, tu sortais du cadre et tout. Je me dis putain, coupler ce genre de d'idée avec l'eye tracking, mais ça aurait pu être génial. Mais là, c'est foiré. Ça, au niveau de la mise en scène, c'est sûr que quand tu clignes des yeux, ça bouge. Ça, on a vu. Bon, ils ont réussi à trouver le bouton d'activer au moment où on cligne des yeux. Mais par contre, au niveau de la mise en scène, moi, la première fois, je suis arrivé dans cette salle avec les mannequins, je dis, oh putain, c'est la fameuse scène où c'est qu'il faut pas cligner des yeux. J'étais comme un gamin, j'étais comme un dingue. Je commence à cligner des yeux une fois, je dis, oh putain, j'ai cligné des yeux, il s'approche vers moi, j'ai peur. Et puis après j'attends, donc j'avais les yeux grands ouverts, je dis faut pas que je cligne des yeux sinon ils vont me voir, ils vont me bouffer. Donc à la fin j'avais les yeux qui chialaient dans le casque, je disais mais il va bien falloir que je cligne des yeux quand même. À cause du flou, Et tu te dis que ça aurait pu être une méga bestiole bien flippante à la Resident Evil 8 qui te tourne autour, et si tu clignes pas des yeux, au bout d'un moment elle te laisse tomber, elle part, et tu la rencontreras plus tard. Mais non, pour avancer t'es obligé de cligner des yeux, donc après tu le sais, donc tu clignes 20 fois des yeux, et puis tu dégommes les mecs et puis t'avances quoi. Et ça a pas d'intérêt quoi, c'est juste un bouton on off. Et sur si un tu clignes des yeux, un œil sur deux, c'est-à-dire si tu fais comme ça. Ah, j'ai pas essayé ça. Hein, est-ce que tu niques le jeu comme ça? Je sais putain, pas, faut bien essayer vu, ça. Bien pensé. Dites-nous dans les commentaires si vous avez fait, si vous avez essayé, si vous avez essayé ça. Tiens. Exactement. Est-ce qu'il y a eu des malins? Moi j'essaierai en tout cas. Après moi j'ai pris l'autre chemin justement avec les chiens qui sautaient sans animation. Et là, c'était le truc, c'était ne les pas chiens. Faire de bruit. Ah. Alors, j'imagine qu'il y a des gens, je sais pas, des youtubeurs, c'est qui ont tendance à en rajouter un petit peu des caisses quand ils y jouent, ouais. En faisant des à crier parce que ça fait vendre, ça fait des vues. De crier, peut-être que justement, ils peuvent pas s'empêcher de faire du bruit, mais en tout cas, moi, je suis resté ultra silencieux pendant ce passage-là. Bah, impossible. Bah ouais, j'ai juste éclaté 5 chiens et puis voilà, et puis il y en a un qui m'a sauté dessus et ça m'a fait peur des parce chiens que qui ne bougent, il était bizarre, il ne bougeait pas en sautant. Pattes. C'est ça. C'était Go Go Gadget au chien en fait, je pense qu'il avait des ressorts sous les coussinets et puis il m'a sauté dessus comme ça. Très bizarre. Non mais gros gâchis quoi. Cohérence zéro quoi. Ouais, c'est énorme déception. Et puis quand tu enchaînes les niveaux, premier niveau, t'as la claque, tu te dis ça va être mieux après, mais quand tu en as fait déjà pas mal, tu te dis putain, t'en peux plus en fait. Tu dis tout à l'heure je parlais de Star Wars, mais aller sur Star Wars quoi. À côté, c'est même pas la peine. Bah c'est vachement mieux. Hein. Ah oui. Carrément. Et donc, si vous avez vu la version vidéo du podcast, ben sur les captures d'écran, les captures vidéo en fait, Switchback a l'air net, a l'air propre, a l'air plutôt bien. Mais sous le casque, non, c'est pas du tout comme ça en fait. Non, très bizarre. Sur le casque, c'est ça va pas du tout. Ouais. C'est du donc vol. Là, c'est bien. Soit Supermassive se sont engueulés avec PlayStation et suite à Bravo Team et ils ont perdu l'édition. PlayStation a dit c'est fini, on vous éditera plus et il y a eu une tension et du coup ils en ont rien à foutre. Soit ils vont peut-être sortir mise à jour, mais apparemment ils en ont pas beaucoup sorti sur Bravo Team et sur The Impatient non plus, donc je suis pas sûr qu'il y aura des mises à jour. Je suis quand même surpris de certains retours aussi qui disent que ça n'enlève rien à l'immersion, que ça n'enlève rien au au plaisir du jeu, etc. Bon, bah écoute, si Scanton a ce genre de retour, bon, c'est sûr qu'on n'aura pas de patch. Il faut que je vous lise quand même certains commentaires, par exemple sur sur PlayStation VR France. Donc c'est la page Facebook de Ben Montana. Il y a quand même casquevr.com qui a aussi dit que c'était les premiers tests étaient plutôt mitigés et décevants sur Switchback VR. Et il y a quand même des commentaires là-dedans qui balancent. Et pourtant, il est excellent, les retours haptiques aussi, et graphiquement très beau. Mais bon, faut-il encore y jouer avant de faire un test? Un jeu bien meilleur que son prédécesseur, mais pour ça aussi, faut-il y jouer? Donc, tu as quand même des commentaires de type, je lui retourne le commentaire. C'est ça. Parce que je peux pas croire que le mec a joué pour dire qu'il est meilleur que 2016. Enfin. Ah ouais, il y a eu pas mal de réactions après ce commentaire. Il y en a pas mal qui l'ont remis à sa place et c'est une bonne chose parce qu'il fallait. Non, carrément. On vient à conseiller ce genre de truc, mais on se fait démonter par les joueurs, quoi. C'est clair. Ça serait pas honnête en tout cas. Ah oui, carrément. Et surtout à 40 balles en plus. Ouais, c'est ça, c'est limite le prix fort, quoi. Donc, grosse déception en tout cas sur un jeu qu'on attendait vraiment parce qu'on est des gros fans presque de tout ce qu'a fait le studio en fait, hein, parce que ce soit en plat, tous leurs jeux je les ai faits, même The Quarry le dernier, Dark Picture Anthology je les ai quasiment tous faits aussi. Les jeux en VR, même s'il y en a quelques-uns que j'aimais un petit peu moins, comme Bravo Team ou The Impatient, le reste j'ai quand même bien surkiffé. Grosse déception, quoi. Moi je m'attendais à. Au moins un truc efficace, parce que si au moins le jeu était suffisamment intéressant et suffisamment flippant et quand même un minimum bien foutu pour que tu puisses y prendre plaisir. Ok, les défauts, la résolution, le côté un petit peu pas terrible graphiquement, tu peux passer outre si le jeu est intéressant. Là, c'est pas le cas. C'est juste la série Z, c'est juste mauvais, hein. Du roller coaster, quoi. Donc c'est un peu dommage. Très déçu, quoi. Autre chose à rajouter du coup sur ce Switchback? N'achetez pas. Pas pour le moment en tout cas. Pas tant que. Surtout pas, ouais. Ça serait hypothétiquement patché. On peut pas vous le conseiller en tout cas. Non. Ok. Mauvais. Bon. Messieurs, je pense que du coup, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, on va se. Non. On va continuer nos petites previews durant les semaines qui viennent, tranquillement. Ça va tomber gentiment. Et puis voilà. Moi je vais juste dire que du coup, comme j'ai relancé Rush of Blood, j'en ai profité pour remettre mon PSVR que je n'avais pas remis depuis que j'ai le PSVR 2. Il est plus lourd, effectivement, ça se ressent. Il est plus cosy aussi, on est plus resserré au niveau de la tête, où le PSVR 2, plus aéré, enfin, on a moins, je trouve, ce sentiment de pression ou de tenue, je sais pas trop comment le qualifier. Et on s'habitue vite au luxe, parce que je cherchais en permanence le bouton de la transparence, et puis même la résolution finalement fait aussi son effet, voilà. Donc c'est pas mal de faire l'effet inverse aussi. C'est bien de se remémorer. J'ai fait la même chose cet après-midi, j'ai rebranché le PSVR comme je vous disais. Et ça m'a fait tout drôle. Et quand j'ai quitté le PSVR, alors il y a un truc que j'ai regretté, c'est le confort, parce que c'était quand même la mousse derrière la nuque, ça fait quand même du bien. Mais par contre, sur le reste, je suis ressorti comme un gamin en disant j'adore mon PSVR 2, quoi. Mais c'est bien, de retourner un petit peu vers l'image. Et surtout, ce qui était marrant, c'est que, comme je vous disais, c'est que j'ai lancé Puzzling Places à la fois sur PS4 Pro. Et sur PS5, PSVR 2, PSVR. Et là, j'ai vu la différence déjà, rien que. Ah, pourtant, c'est le même jeu. Donc, il n'y a pas d'une histoire de graphisme. C'est exactement le même jeu. Par contre, sur le PSVR, on voit la dalle. On voit la grille. Parce que les pixels étaient 4 fois plus gros. Il y en avait 4 fois moins. Donc, on les voit. Hein. Tu regardes bien, tu cherches, tu les vois. Après, je me suis amusé sur le PSVR 2 à chercher les pixels. On les voit aussi. Mais alors, il faut vraiment les chercher pour les voir. Parce que tu vas voir. L'idéal pour les voir, je pense que c'est un fond parfaitement blanc, et là sur le blanc tu arrives à repérer les petits carrés, mais ils sont minuscules. Je me suis amusé avec cet effet Mura également, entre les deux, qui est quand même 4 fois plus prononcé, 4 fois plus gros, vu qu'il y a moins de pixels sur le PSVR que sur le PSVR 2. parce que là du coup il y a plus de pixels, donc forcément ça te fait un moirage beaucoup plus diffus que l'autre. J'ai lancé des jeux en mode cinéma, j'ai lancé Days Gone en mode cinéma sur le PSVR, et au début du jeu, pendant que le jeu charge, tu te retrouves sur un fond un peu grisâtre. Et là, tu vois ce fameux Murat qui est propre à l'OLED qu'il y avait sur le PSVR, qu'on n'avait pas forcément remarqué. On savait qu'il était là, mais on l'avait accepté en 2016. Et là, maintenant, on ne l'accepte plus. Mais quand on joue à ça et qu'on repasse sur le PSVR et qu'on repasse après sur le PSVR 2, tu as une minute de soulagement en disant « Putain, ouais, y a quand même une sacrée progression. Ouais. » Bah, heureusement. Mais justement, c'est bien de se remémorer un petit peu... Ça serait intéressant de le faire de temps en temps, justement, régulièrement, pour se remémorer un petit peu ce que c'était le PSVR, quoi. Mais c'est ce que je vais faire, je pense, plus souvent, parce que là, je l'ai laissé sur la PS4, et comme ça, si j'en ai besoin, je pourrais y aller facilement. Il est à disposition. Ça, hein. Il est à disposition, ouais. Faut que je fasse pareil aussi, ouais. Ah, mais moi, il est branché, hein. Et c'est pratique, parce que sur certains jeux, des fois, t'as un doute. Sur l'eau de Moss, t'as un doute, tu vas voir. Je commence à manquer de prise électrique, par contre, mais... Ouais. C'est bien chaud. Ok, eh bien messieurs, je pense que nous allons y quitter là, avant que je crève définitivement d'ailleurs, parce que j'en peux plus là. Merci la grippe. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette émission. On n'a pas vu encore tous les jeux qui sont disponibles sur le PSVR 2. Ça viendra au fur et à mesure, gentiment. Ça arrive. Restez connectés sur la chaîne VR4Player, sur le site VR4Player, sur les applications de podcast pour le podcast. Et puis, semaine prochaine, Saint-Sinner, chapitre 2. Il y a du gros qui arrive pour voilà les jours qui viennent là, donc qu'on attend bien. On espère ne pas être déçu en tout cas. Et si on l'est, ben en tout cas on vous le dira. On va pas vous cacher la merde. C'est pas dans notre habitude. Et si c'est de la balle, et ben on vous le dira aussi. Et comptez sur nous pour vous éclabousser notre optimisme à la gueule. Messieurs, merci. Merci à toi, Sei. Merci, Sei. Merci pour cette invitation. Merci. Et jouez à Song in the Smoke. Et jouez Allez, salut. À Song in the Smoke. Faites plaisir. Pensez à un Majo. Sauvez un Majo. Jouez à Song in the Smoke. On vous fait des bisous. À dans deux semaines. Allez, ciao. Ciao.